et d'avancer. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux ? 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Proximus et Ring Ring. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Réservez vos vacances dans nos boutiques. Bonjour, je voudrais des vacances en avion, au soleil et en all-in. Ou plutôt via notre site web. Alors, avion, soleil et all-in. Lâchez-vous. Chez Neckermann, vous pouvez réserver votre voyage via les boutiques de vacances, le site web, via le chat ou en appelant la ligne de vacances. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. La première. Très beau dimanche, il est 9h. Le journal, c'est avec Nicolas Lehmann. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Que s'est-il passé exactement cette nuit à New York? Une forte explosion a fait une trentaine de blessés. Il est trop tôt pour parler de terrorisme, mais il s'agit bien d'un acte intentionnel. Les autorités le confirment. Une bavure américaine en Syrie. Les avions américains ont frappé les troupes de Bachar al-Assad plutôt que le groupe terroriste État islamique. Une bavure qui crée de très vives tensions diplomatiques avec la Russie. La journée sans voiture ce dimanche à Bruxelles. Les voitures banni de la circulation d'ici une demi-heure. Nous serons en direct de la rue de la Loi. Et tout d'abord, cette forte explosion en plein cœur de New York, explosion qui a fait une trentaine de blessés cette nuit dans le quartier de Chelsea. Les autorités l'assurent, il s'agit bien d'un acte intentionnel, même si on ne parle pas encore de terrorisme. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à New York. Sonia, que s'est-il passé exactement ? Il n'y a aucune preuve que cette explosion avait un lien avec le terrorisme, mais c'était un acte intentionnel. C'est en résumé ce qu'ont déclaré le maire de New York et le chef de la police lors d'une conférence de presse près des lieux de l'explosion. Les autorités jouent la prudence et veulent éviter tout mouvement de panique, mais le maire de New York a déclaré qu'il n'y avait pas de menace sérieuse sur la ville. Pourtant, la tension est visible, les lieux de l'explosion sont quadrillés, les hélicoptères survolent la ville et les New Yorkais sont inquiets. Cette explosion a eu lieu dans un quartier très huppé de Manhattan, vers 20h30 heure locale, donc au moment où les restaurants et les bars sont bondés. Selon une première hypothèse, l'engin explosif provenait d'une benne à ordures, mais il n'y a pas encore de confirmation officielle. Les témoins parlent d'une déflagration très violente. Un deuxième engin a été retrouvé à 4 rues de la première explosion. Selon les médias américains, il s'agirait d'une cocotte minute connectée par des fils à un téléphone portable. Cet objet pourrait aider les enquêteurs à remonter au fabricant et identifier l'acheteur. Alors tout cela arrive dans un contexte particulier puisque dans 2 jours se déroule l'Assemblée Générale à New York et donc des chefs d'État du monde entier sont attendus dans la ville. Sonia Dridi, notre correspondante à New York, et à quelques heures d'intervalle, ce sont 3 attaques différentes qui ont eu lieu. Cette explosion à New York, donc un peu plus tôt dans le New Jersey voisin. C'est une poubelle qui a explosé sur le parcours d'une course à pied, pas de blessés là-bas. Enfin, un homme a agressé à l'arme blanche des clients dans un centre commercial du Minnesota. Il y a 8 blessés. L'agresseur a été abattu. Pour l'instant, les autorités n'établissent donc aucun lien direct entre ces 3 événements. L'actualité cette nuit, c'est aussi cette bavure des États-Unis en Syrie, sans doute l'une des plus importantes depuis que la coalition internationale est présente en Syrie. Les avions américains pensaient frapper le groupe État islamique. C'était en fait des soldats de Bachar al-Assad. Il y aurait au moins 60 morts. Le principal allié de Damas, la Russie, ne décolère pas, Maxime Binet. Oui, résultat, la trêve ne tient plus qu'à un fil en Syrie, tant la tension entre les 2 puissances qui ont négocié le cessez-le-feu est à son comble. Et dernier épisode en date, hier soir, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur de la Russie à l'ONU a claqué la porte alors que c'était Moscou qui avait demandé cette réunion en urgence afin de recevoir davantage d'informations sur ce raid de l'aviation américaine. Vitaly Turkin, l'ambassadeur russe, n'a pas accepté, dit-il, l'attitude de la délégation américaine. L'ambassadeur américain m'a dit qu'elle n'était pas intéressée par mes exigences sur ce que je disais, car pour elle, il s'agissait d'un coup, d'une mise en scène. What I had to say, because what I was saying is a stunt. J'ai donc décidé avec ma délégation de quitter la salle. Une réunion très tendue, on l'a compris, entre Américains et Russes. Hier soir au Conseil de sécurité, les Américains considèrent qu'il s'agit d'une mise en scène orchestrée par le Kremlin. Samantha Power représente les États-Unis aux Nations Unies. C'est une diversion par rapport à ce qui se passe sur le terrain en Syrie. Lorsque vous n'aimez pas les faits, vous créez une tension sur autre chose, une sorte de tour de passe-passe pour que le monde et les médias s'intéressent à autre chose. Un tour de passe-passe dénonce les États-Unis devant le Conseil de sécurité. Jamais la Russie n'avait convoqué de telles réunions lorsque le régime de Bachar el-Assad frappe des civils, a déclaré Samantha Power, tout en exprimant les regrets de Washington par rapport à cette frappe aérienne. Outre cette bavure de l'aviation américaine, la trêve était déjà mise à mal. L'aide humanitaire est à l'arrêt. Les combats continuent par endroits. Mais ici, la perspective du maintien de l'accord américain-russe s'amenuise. La Russie qui vote aujourd'hui pour des législatives. Le parti Russie Unie devrait l'emporter haut la main. Élection alors que la Russie traverse une longue période de récession économique. Le prix des hydrocarbures a chuté. Le pays subit toujours les sanctions occidentales pour avoir envahi la péninsule ukrainienne de Crimée. D'élection, il est aussi question en Allemagne. Un scrutin régional à Berlin. 2,5 millions d'électeurs sont appelés à renouveler le Parlement régional. Dans la capitale allemande, les populistes de droite sont à nouveau au cœur des débats, Pascal Thibault. Comme il y a deux semaines, dans le Mecklembourg, dans l'ex-RDA, tous les yeux sont rivés ce dimanche sur le score du parti populiste AfD. Il ne fait pas de doute que l'alternative pour l'Allemagne sera représentée ce soir dans un 10e parlement régional allemand. Mais quel résultat obtiendra le parti dans une grande ville traditionnellement très à gauche? Les autres partis, qui risquent tous de perdre des voix, sont nerveux et font front commun contre un concurrent qui mobilise certes les abstentionnistes, mais séduit aussi les déçus des autres partis. Les chrétiens-démocrates d'Angela Merkel, traditionnellement faibles à Berlin, pourrait enregistrer une nouvelle déroute électorale les contraignant à quitter le gouvernement local de grande coalition dirigé par le social-démocrate Michael Müller. Cette nouvelle défaite accentuerait un peu plus la pression sur la chancelière. Si une coalition des trois partis de gauche, les sociaux-démocrates du SPD, les Verts et Die Linke se forme, cette première pourrait être interprétée comme un signal politique dans la capitale allemande à un an des prochaines élections générales, même si une telle constellation au niveau national reste peu probable aujourd'hui. À moins d'avoir une excellente raison, vous ne pourrez pas rouler en voiture aujourd'hui à Bruxelles. Les moteurs sont bannis, place est faite à la mobilité douce, à pied, à vélo ou à cheval, c'est vous qui voyez. Le dimanche sans voiture, c'est le temps fort de la semaine de la mobilité. On va tout de suite retrouver Pierre Vandenbulk. Pierre, vous êtes tout près du rond-point Schumann sur la rue de la Loi. C'est une artère qui est d'habitude très fréquentée, Pierre. Alors oui, effectivement, mais ce matin, même s'il est encore permis de circuler jusqu'à 9h30, eh bien, peu de voitures ici. Ce qu'on attend tout prochainement, c'est un déferlement de vélos. C'est d'ailleurs toujours assez impressionnant d'observer le flux incessant de bicyclettes tout au long de la journée. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Alors, cette journée sans voiture, c'est devenu une tradition et c'est évidemment une journée ludique et festive avec des animations aux quatre coins de Bruxelles. Camille Thierry, vous êtes la porte-parole de Bruxelles Mobilité. Justement, en termes de mobilité, ça sert à quoi une journée comme celle-ci encore aujourd'hui? Mais disons que le dimanche en voiture, c'est un peu le point d'orgue de toute la semaine de la mobilité, semaine pendant laquelle on invite tout le monde à s'interroger sur sa pratique de la mobilité au quotidien. Quel déplacement, à quel moment de la journée, comment mixer au mieux les différents modes de transport pour pouvoir aller à l'école, au travail, dans le respect de tous les usagers, dans le respect du développement durable. Donc on continue à se poser cette question chaque année pendant la semaine de la mobilité, et le dimanche en voiture, c'est le moment de découvrir Bruxelles autrement. Justement, la STIB est gratuite, peut-être le moment de tester le métro pour se déplacer, voir comme c'est facile, pouvoir tester les nouvelles pistes cyclables, comme ici, rue de la Loi. Donc vraiment toute une série d'activités qui nous mettent le pied à l'étrier. Oui, voilà, hein, et journée sans voiture ne signifie pas pour autant journée sans code de la route, il reste d'application. Et puis certains véhicules comme les véhicules d'urgence, police, pompiers, ambulances circulent aussi, tout comme les taxis et les bus de la STIB, hein, vous l'avez dit. Et tout cela, c'est sans compter ceux qui ont obtenu une dérogation. Cela dit, tous ces véhicules autorisés à rouler ne peuvent pas dépasser les 30 km/h. La ville sera donc, comme à chaque fois, très silencieuse. Le vacarme du trafic automobile reprendra ce soir à 19h.

pour ne pas tomber. Et nous partons ce matin pour le pays où il y a le plus de bicyclettes au monde. C'est aussi le pays le plus peuplé de la planète, la Chine. Dans cette émission, nous allons survoler la cité interdite, la grande muraille, les montagnes sacrées du Sichuan, les plantations de thé de Dadugang. Mais nous nous intéresserons aussi au trophée des Belges du bout du monde. Il vous reste 12 jours pour vous inscrire. Ainsi qu'au Dadzibao et aux nouvelles technologies avec de sacrées personnalités comme la liégeoise Evelyne Letaouet. Bonjour Evelyne. Bonjour Adrien. Vous êtes un peu la Jalabib, la Julie Morel de l'Empire du Milieu. Vous avez présenté le JT de la CCTV pendant près de 5 ans. La CCTV, ce n'est pas une télé locale, Evelyne. Ah non, loin de là, puisque c'est la télévision publique chinoise. En matière de télécommunications et médias, je pense que c'est la plus grande entreprise au monde. Une idée du nombre de téléspectateurs ? Ah ben 1,5 milliard. 1,5 milliard de téléspectateurs pour la China Central Television, la CCTV, et une petite liégeoise dans la petite lucarne. Pas mal. Pour dialoguer avec vous, un confrère chinois installé en Belgique depuis 2 ans. Bienvenue Liu. Liu Jun. 你好，大家好，我是刘军，光明日报驻布鲁塞尔记者。 Bonjour, je suis Liu Jun, journaliste du Guangming Daily. Je suis basé à Bruxelles. Bonjour. Ni hao. Vous êtes une Belge en Chine. Je suis un Chinois en Belgique. Ça fait un bon échange. C'est très bon pour les relations bilatérales. Oui, c'est absolument. Un plaisir de pouvoir échanger. Oui. Vous parlez un français remarquable, Liu. Il faut savoir que vous êtes passé par la Suisse. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont Chine-Inde, le match du siècle. Oui, voilà, parce que j'ai travaillé une bonne dizaine d'années à Genève. Vous êtes venu en tenue traditionnelle chinoise. Il faut aller vous voir en photo hein, sur la page Facebook des Belges du bout du monde. Vous êtes très élégant. Alors avouez, Liu, qu'on sait recevoir ici à l'RTBF. Deux jeunes globe-trotteuses vous ont rejoint en studio. Morgane Delesse d'abord. Morgane, bonjour. Bonjour Adrien. Vous avez vécu 5 ans dans la ville au Lotus Bleu. C'est ça, j'ai vécu 5 ans à Shanghai. Alors vous avez rédigé un guide pratique sur l'expatriation, vivre la Chine. Pour aider les gens qui veulent se lancer dans l'aventure de l'expatriation en Chine. Alors pour croquer et chroniquer ce pays du bout du monde, nous pourrons compter aujourd'hui sur Catherine Tonero. Catherine, la Chine, c'est aussi un des plus grands pays de la planète. Oui, avec une superficie d'environ 9,6 millions de kilomètres carrés, la Chine se classe 3e sur le podium des plus grands pays du monde, après la Russie et le Canada, 4e après les États-Unis en fait, et selon la méthode de calcul. Oui, alors le débat est ouvert, hein, Liu, 3e, 4e Oh, plutôt 4e, parce qu'il faut mettre Alaska voilà. Dans le territoire américain. D'accord, mais c'est bien. Vous êtes beau joueur, fair play, fair play. Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot sur la première. Le ciel est un œuf et la terre en est le jaune, dit le sage chinois. Nous en explorons ce matin l'Extrême-Orient, Catherine. Oui, la Chine, située entre la Sibérie et l'Asie du Sud-Est, est dominée par les montagnes et les hauts plateaux, quasi désertiques à l'ouest. C'est sur les régions côtières du Pacifique, à l'est, que se masse sa population. Avec 1,375 milliards d'habitants, la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Un habitant de la planète sur 6 environ est chinois. Le mandarin est la langue la plus parlée au monde. Les Han représentent le groupe ethnique le plus important. La plupart des Chinois vivent à la campagne. Les villes les plus peuplées sont la capitale, Pékin ou Beijing, Canton, Shenzhen ou encore Shanghai, que nos invités connaissent bien. Oui, la civilisation chinoise est une des plus anciennes. Et des plus influentes en Asie, avec le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme comme principaux systèmes de pensée. Depuis des millénaires, l'empire chinois est créé au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est à cette époque que débute la construction de la Grande Muraille de Chine. Le régime impérial et ses différentes dynasties vont se succéder. Perdre au 19e siècle les deux guerres de l'opium face à la Grande-Bretagne, la première guerre contre le Japon ensuite. Opposé aux influences étrangères, un mouvement nationaliste apparaît. Il aboutira en 1912 à la proclamation de la République de Chine, alors gouvernée par le Kuomintang. Oui, on racontera la suite, la République populaire de Chine qui naît en 1949. C'est dans la Chine rurale que vous avez débarqué, Sakodo, vous, Evelyne Letaouet, un petit peu par hasard en fait. C'est en cherchant des offres d'emploi à gauche et à droite sur le net déjà. J'allais partir en Hongrie pour un week-end. Et je suis allée sur les villes du routard. Et je venais juste de terminer mon travail. Je suis allée voir les petites annonces, hein, me disant, tiens, ma connexion Internet venait d'être installée. Me disant que j'allais profiter de ce privilège. Et la première annonce était, nous cherchons des professeurs pour venir enseigner le français ou l'anglais en Chine pendant un semestre. On vous fournit logement et accommodation. Et j'ai répondu et j'étais partie 5 semaines plus tard. Donc vous êtes partie pour le travail. Vous, Morgane, c'est une histoire d'amour qui vous a poussée vers la Chine. Oui, tout à fait. J'ai suivi mon compagnon de l'époque qui est d'origine chinoise et qui avait envie de se lancer dans l'aventure de Shanghai, de retourner un peu à ses racines. Et donc on est partis ensemble en 2009. Oui, vous vous êtes même mariés sur place. C'est vrai, oui, on s'est mariés en 2012. D'accord, mariage traditionnel on a fait un petit peu traditionnel, on a essayé de mélanger justement les traditions belges et les traditions chinoises pour avoir un mariage qui nous ressemble en fait. D'accord, vous avez d'abord vécu dans la belle famille. C'est ça, on a d'abord vécu chez son oncle et sa tante qui ont un appartement à Shanghai, le temps de trouver du boulot, de s'installer et puis de commencer à chercher et en fonction du salaire qu'on allait toucher, de voir ce qu'on pouvait s'offrir comme appartement à louer. Ouais, vous avez vécu 5 ans sur place, de quoi emmagasiner pas mal d'expériences et d'anecdotes que vous conseillez dans ce livre « Vivre la Chine » paru aux éditions Ikari. Vous, Liu, qu'est-ce qui vous a amené chez nous à Bruxelles ? Alors, c'est une longue histoire. Alors, j'étais étudiant de français, de la littérature et de la langue française à l'université d'Amoy, et puis en 85, une fois diplômé. Vous êtes passé par la Suisse, hein, vous dites 85 à 85. Oui, ouais. Oui, si vous voulez. Alors, mais c'est logique d'ailleurs, 85. Oui, oui, vous avez raison. Alors, à partir de 85, j'ai commencé la carrière de journalistique. Et puis, alors, d'abord en Chine. Et puis après, je crois que c'est à cause de ma langue, la langue française. Alors, j'ai pu travailler à Genève pour 2 mandats. Ça fait une bonne dizaine d'années. Et puis après, je suis retourné en Chine pour que ma fille reçoive une éducation secondaire. Alors, de 2009 à 2014, on était en Chine. D'accord. Et puis, à partir de 2014, je suis ici. Ça fait 2 ans et demi. Alors, vous dites votre fille, parce que vous êtes un bon citoyen chinois, vous avez juste un enfant. Oui, j'ai une fille. Alors, ma fille est l'enfant unique. D'accord. Quel âge ? Elle a 17 ans. D'accord. Elle est à Saint-Michel maintenant. Ah, donc elle est une acte bruxellaire alors. Absolument. Allez, on reparle de tout cela après Cathy Melua sur la première. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, a thing we can't deny, like 9 millions bicycles in Beijing, ça veut dire à peu près 9 millions de bicyclettes à Pékin. C'était il y a 20 ans hein, quand la chanson est sortie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures en Chine. Est-ce que vous avez pu rouler à vélo, par exemple, à Shanghai, Morgane ? Tous les jours, j'allais au travail tous les jours en vélo. Je me lançais dans la foule et en fait, c'est plus facile qu'on ne le croit. Comme tout le monde roule là-bas, les gens ont l'habitude et tout le monde a des bons réflexes. C'est assez facile. Et vous, Liu, à Pékin ? À Pékin, franchement, alors durant 2009 à 2014, j'ai passé 5 ans et demi à Pékin. Alors j'ai roulé mon vélo, mais ma foi, c'est pas évident parce que les rues sont devenues de plus en plus larges, mais l'espace sont devenus de plus en plus réduit pour les vélos en tout cas. Voilà, justement. Et en Chine, on ne roule pas son vélo parmi les voitures, comme ici. C'est dangereux. Donc, chacun a ses couloirs. Ouais. Mais les couloirs pour les cyclistes, c'est très étroit. D'accord. Aujourd'hui, profitez-en. Hein. Dans Bruxelles, c'est Autolose Zondag, hein, sans voiture. Liu Jun, qui est le correspondant permanent du Guangming Daily en Belgique, c'est l'invité des Belges du bout du monde avec Morgane Delesse et Evelyne Letaoué, deux journalistes belges passionnés par l'empire du milieu. Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur la première, Adrien Jovenot. Devenir riche et glorieux, le slogan de Deng Xiaoping a bien évolué, en dit long aussi sur la mentalité qui a changé depuis le petit livre rouge de Mao, Catherine Tenero. Oui, Mao Zedong qui prend le pouvoir en 1949 après 4 années de guerre civile. Chiang Kai-shek et les partisans du Kuomintang se réfugient alors à Taïwan. La Chine communiste se déploie, intervention au Tibet, politique du grand bond en avant dans les campagnes, révolution culturelle surtout, dégâts de rouge. Intellectuels, artistes, critiques, des centaines de milliers de personnes paieront de leur vie. Le chaos s'installe en Chine. Mao meurt en septembre 1976. La Chine vient d'ailleurs de commémorer les 40 ans de sa mort. Il faudra attendre l'arrivée de son successeur Deng Xiaoping pour amorcer une politique d'ouverture, ouverture politique et économique donc dans le pays. L'ouverture démocratique, on n'y est pas encore, hein, puisqu'une dizaine d'années plus tard, en 1989, les manifestations pacifiques des étudiants place Tiananmen sont violemment réprimés et font, selon les sources, quelques centaines à quelques milliers de morts. Événement internationalement condamné hein, et qui va contribuer à isoler la Chine, qui devient parallèlement une puissance économique incontournable. D'une économie planifiée à une économie de marché socialiste. Oui, on considère Deng Xiaoping comme le père du développement économique de la Chine actuelle. Et c'est lui hein, qui va mettre en œuvre une économie dite socialiste de marché. Le parti communiste chinois reste aux commandes, mais l'économie se libéralise progressivement. Les contacts commerciaux entre la Chine et l'Occident se multiplient. L'industrie se développe, s'ensuit une croissance rapide et l'amélioration du niveau de vie de millions de Chinois. Vu sa population et sa taille, la Chine devient aussi le premier exportateur mondial. L'atelier du monde, hein, comme on l'appelle, est aussi la deuxième puissance économique après les États-Unis. Mais une bonne partie de la population chinoise reste pauvre, surtout dans les régions rurales. Les inégalités entre habitants des villes et des campagnes sont criantes. La croissance, comme souvent, ne profite pas à tout le monde. Elle s'est aussi faite en Chine au détriment de l'environnement. Le pays est avec les États-Unis le plus gros pollueur de la planète. Chine et États-Unis qui viennent de ratifier l'accord de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique à l'occasion du récent sommet du G20 en Chine. On y reviendra en fin d'émission. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit que les Chinois travaillent sur la voiture électrique, Morgane Delesse. Je pense qu'ils vont nous surprendre assez rapidement avec les voitures électriques. Oui, c'est ça aussi qui vous a ébahi en arrivant en Chine, c'est ce choc entre la modernité, la tradition. Oui, tout à fait. Ils ont vraiment une longueur d'avance, les Chinois. Ils sont très attachés à leur tradition, mais ils nous regardent un petit peu en snobant la vieille Europe qui n'est pas vraiment en avance sur son temps, alors qu'eux, ils sont assez développés et tournés vers le futur. Oui, vous qui avez un pied dans les deux continents, c'est aussi ce que vous ressentez, Liu ? Petit à petit, parce que tout prend le temps. Surtout les paysans, les travailleurs paysans, ils roulent avec leur vélo électrique. C'est déjà pas mal. Hein? Oui, c'est bien. C'est déjà le début. Oui. Alors, moi, je crois que la mentalité change au fur et à mesure. Il faut attendre un petit peu. Oui, avec nous, Evelyne Letao, qui est conceptrice d'une application mobile pour apprendre les caractères chinois. Après avoir présenté sur place le JT pendant 5 ans, vous avez dû apprendre les caractères par cœur. Comment ça s'est passé, Evelyne ? Ah non. Quand je travaillais, c'était donc une chaîne qui était exclusivement en français. Oui. Je présentais en français. On travaillait à partir de documents, de dépêches qui étaient soit venant du chinois, soit venant du français, soit de l'anglais, donc que nous traduisions et que nous adaptions pour faire les journaux. Donc, je veux dire, au niveau professionnel, je veux dire, j'avais la chance que tous mes collègues parlaient vraiment formidablement bien le français et pouvaient nous aider. Donc ça, c'était pas pour le travail. J'aurais pu continuer dans ma petite bulle francophone. Et après 7 ans au Chine, bah, c'est important de savoir communiquer, de se débrouiller avec voisins, amis, marchands, vie courante. Et donc, j'ai appris sur le tas. Et j'ai trouvé ça, en fait, assez difficile. Pourtant, en Belgique, on peut dire qu'on est plus ou moins un pays de très bons bilingues et polyglottes. Hein. Être trilingue à Bruxelles, c'est pas un miracle. Alors que dans pas mal d'autres pays, parce que j'ai depuis habité en France et en Angleterre, on vous regarde, waouh, vous parlez 3 langues. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là-dessus, on est tous d'accord. Et même chose en Chine aussi. Hein. Oui. Il est rare de trouver des gens qui parlent beaucoup de langues étrangères, mais c'est notre petite spécificité belge. Alors, nous avons retrouvé sur la toile, Evelyne, un extrait de ce journal télévisé que vous avez présenté pendant 5 ans sur la CCTV, la China Central Television. Madame, monsieur, bienvenue à cette édition de 24 heures en Chine, en direct de Beijing. Le cinquième. C'est vous, hein, c'est vous, Evelyne, on vous reconnaît bien. Liu Jun, vous avez couru le monde en 1985, alors qu'Evelyne rentrait à l'école primaire. Vous sortiez de l'université. Vous êtes parti à la découverte de votre immense pays, continent, parce que être journaliste en Chine, comme vous l'avez été, c'était aussi l'occasion d'aller à des milliers de kilomètres. Ça a dû être fascinant, ça, découvrir son propre pays. Absolument. Alors, je suis pékinois. C'est-à-dire, je suis nordiste. Et puis, j'ai fait mes études à Xiamen. Ça fait 3000 kilomètres au sud-ouest de la Chine, déjà. C'est jusqu'en face de Taïwan, hein, mais sur le continent. Donc, j'ai fait mes études, c'est déjà à travers 3000 kilomètres. Et en 85, quand j'ai commencé le journalisme, alors j'ai mis 8 ans pour faire des reportages, faire des interviews dans toute la Chine. Mais j'étais aussi Tintin au Tibet, Tintin chinois, parce que j'ai passé une année au Tibet. Donc, alors j'ai, à travers ces expériences, j'ai pu découvrir la réalité chinoise. Alors c'est comique parce que vous parlez Tintin au Tibet, vous avez vécu dans la ville au Lotus Bleu, Morgane, et vous avez travaillé pour un guide Milou. Oui, c'est assez marrant. En fait, à Shanghai, il y a un guide qui s'appelle le guide Milou. Milou en mandarin, ça veut dire qui a perdu son chemin. Et ce guide s'adresse aux nouveaux arrivants. Donc ça rejoint un peu ce que je fais aussi pour vivre la Chine. C'est donner des clés pour aider aux jeunes qui viennent d'arriver, ou même à un peu à tout le monde. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive en Chine? Où est-ce qu'il faut s'inscrire au consulat, à la police, ce genre de démarche? Comment ouvrir un compte en banque? Comment trouver un appartement? Comment trouver du travail? Donc ça part vraiment dans tous les sens, mais ça reste très pratique. Alors le guide Milou, je signale quand même que ça s'écrit M-I-L-U, hein, donc il n'y a pas le O comme dans Tintin. Vous avez travaillé aussi pour le petit journal.com et dans quelques instants, nous allons feuilleter votre guide et voir ce que ça donne en radio. Après la pub, je vous parlerai aussi des trophées des Belges du bout du monde, l'occasion pour nos expats de gagner des billets d'avion pour nous rejoindre ici en Belgique pour les fêtes de fin d'année. Je vous explique tout cela dans une poignée de secondes. La première présente le concert 100% Sounds for Research en faveur de la recherche contre la leucémie. Avec Puggy, Les Innocents, Cocoon, La Grande Sophie, Musti, Soul, Nikola Tesla, Hollywood Porn Stars et d'autres surprises. Le 27 octobre à la Madeleine à Bruxelles, en présence de Virginie Efira et François Damiens. Info et tickets, concert100%.be. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment, on part 3 semaines, 3000 euros. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Ce message s'adresse à vous, qui travaillez durement pour votre argent ou disposez d'actions depuis longtemps. Vous qui ne savez plus comment gérer vos investissements dans ce contexte aussi changeant. Pour vous, CBC met à disposition des conseillers qui vous feront des recommandations sans se défiler, tenant compte de l'actualité et des avis de nos analystes financiers. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. 9h, 10h. Les Belges du bout du monde sur la première. Avec Adrien Jouvenot. Merci d'écouter la première ce dimanche matin. Alors, vous connaissez sans doute des Belges qui développent un projet original à l'étranger, que ce soit dans le domaine de la culture, de l'art de vivre, de la solidarité, de l'économie et des nouvelles technologies. Alors, faites-le nous savoir et ils gagneront peut-être un des 5 trophées des Belges du bout du monde. Un reportage dans notre émission télé et un billet d'avion pour venir rechercher ce trophée le dimanche 18 décembre à Tournai. Et quand on vient de Pékin ou de Shanghai, ça vaut la peine. C'est combien d'heures de vol, Morgane, Shanghai, Bruxelles ? Il n'y a pas de vol direct, malheureusement, donc c'est au moins 12 heures de trajet. Et c'est au moins un bon millier d'euros, hein, j'imagine. Oui, à peu près. Alors participez, ça vaut le coup. Toutes les infos sont en ligne sur rtbf.be/Trophée des Belges. Les Belges du bout du monde sur la première. Elle pourrait postuler dans la catégorie nouvelle technologie pour son application mobile sur l'apprentissage des caractères chinois. C'est Evelyne Letao, parce que Evelyne, les caractères chinois, c'est difficile hein, pour les étudiants. Il y a des centaines et des milliers de caractères à apprendre. Juste pour lire un journal comme celui que vous présentiez sur la CCTV, il faut savoir entre 2 et 3000 caractères. Au moins facilement. Oui. C'est ça le gros problème de la langue chinoise, ce sont les caractères. Pensez à notre alphabet, on prend notre alphabet 26 lettres, on apprend ça vers 5-6 ans, réglé pour toute votre vie. Ça va pas en chinois. L'alphabet, effectivement, compte. Oui, il vous faut 2 à 3000 caractères pour lire le journal. Une personne, bah, comme vous, probablement, on connaît une dizaine de milliers de caractères. Au moins. La vie de tous les jours. J'ose pas le dire. 20 000 à peu près. Hein. Non. 20 000, ah, je suis vraiment désolée. Non. C'est parce que lui est évidemment un lettré. Donc vous voyez, 20 000 caractères, il faut les apprendre un par an. Donc quand on est chinois, ben, on commence très petit. Et tous les jours à l'école, on reçoit une dizaine, une quinzaine de nouveaux caractères. De 5 à 6 ans jusqu'à la fin de vos études secondaires et même encore après à l'université. C'est ça l'apprentissage qui est requis. Mais quand vous êtes étranger, ça c'est beaucoup de caractères, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc j'ai essayé de penser à une méthode de rendre l'assimilation, l'apprentissage des caractères plus facile. Alors ça s'appelle Chinese Flash. Chinese Flash Caractère. Alors on a mis le lien sur la page Facebook des Belges du bout du monde et sur la première.be et vous verrez que d'étape en étape on peut progresser du caractère au mot et puis du mot à la phrase. Hein. Lentement. Et à la lecture parce que c'est finalement ça le plus important. Bien sûr. C'est de pouvoir l'utiliser parce qu'à partir du moment où vous pouvez maîtriser la lecture, ben vous pouvez prendre la Chine avec vous. Vous pouvez retrouver la Chine partout. Sur Internet, vous pouvez lire des informations en chinois, lire des textes. C'est le meilleur moyen de continuer, quand vous êtes tout seul, de continuer votre connaissance et votre découverte de la culture chinoise. Pas mal cette innovation. Evelyne Letao en duplex avec une autre Belge du bout du monde, Morgane Delesse. Morgane, vivre 5 ans en Chine, ça vous a changé personnellement, ça vous a... Oui, certainement. Oui, j'ai appris à me connaître là-bas. J'ai été confrontée à des situations que je pense je n'aurais pas vécues ici. Et oui, certainement. Oui. Alors, votre expérience, vous la racontez dans ce livre, hein, Vivre la Chine. Loïc Péchard l'a résumé en 3 minutes. C'est pas facile, mais c'est savoureux. Écoutez. Vivre en Chine, c'est ce que beaucoup d'expatriés font chaque jour et pour diverses raisons. Étudier, entreprendre, chercher à faire carrière ou tout simplement par amour du pays. Au fait, ils sont combien à y vivre ? 700 millions. Non, Jacques, ça c'était en 1966. 700 millions. Plus. 700 millions de Chinois. 1 milliard 4. Ah oui, quand même. Morgane Delesse, qui a vécu 5 ans à Shanghai, nous partage ses expériences dans son livre « Vivre la Chine ». Oui. What did you say, sir? Lost luggage? Non, je dis... Ni hao ma. No, me not speak French. Ni hao ma. Ce guide nous propose quelques clés pour affronter les codes et les règles du quotidien. Vous parlez chinois? Enfin, je parle le chinois courant. Hein. Sandrine, monsieur parle chinois couramment. Ah bon? Mais alors, vous savez dire bonjour, comment allez-vous? Oui, quand même. Ni hao ma, bah non. Nao mai. Ah non, ni hao mai. Il faut faire attention à l'accent, parce que le même mot peut avoir des tonnes de significations différentes. Voici trois exemples tirés du livre. La distinction entre la vie privée et professionnelle n'est pas aussi nette que chez nous. Il convient d'entretenir des bonnes relations avec ses collègues par des marques d'attention, comme des petits cadeaux quand vous revenez de voyage, et par exemple l'organisation d'une soirée détente ou un karaoké. Certains mots ont d'autres significations que les nôtres. Par exemple, en mandarin, une banane est un fruit comme chez nous, mais elle désigne aussi une personne d'origine chinoise née à l'étranger. Comprenez par là, jaune à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. L'expression littéralement « as-tu déjà mangé ?» est la façon la plus authentique de saluer quand le « ni hao » sonne faux aux oreilles de bien des Chinois. Cette petite anecdote traduit parfaitement l'importance qu'a la nourriture au quotidien en Chine. Maman, je veux pas McDo. Comme par exemple la météo chez nous, est sans doute le sujet de conversation le plus fédérateur. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. C'était un bref aperçu du livre « Vivre la Chine » pour mieux comprendre les choses et se simplifier la vie sur place. Pourquoi ça ressemble à ça, ma vie? Bah, ça se voit que j'ai jamais vécu en Chine. Comme le disent des Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. C'est parti, prochaine destination, la Chine. Maman, je veux pas qu'on mange McDo. Ah bon? Chapeau à Loïc Péchard, Paul Michel pour cette séquence. Clin d'œil sur votre livre. Quel sentiment vous avez, Morgane, d'entendre cela? Ah ouais, c'est très chouette d'entendre mon livre résumé comme ça en quelques minutes. Je m'y suis bien retrouvée. Parce qu'effectivement, c'est dans les petites choses, parfois un peu anodines, qu'on est le plus surpris en Chine. Et qu'on l'est tout le temps et qu'on l'est encore au bout de 5 ans. Et c'est un bonheur. Vous avez mis en exergue de votre livre cette phrase de Paul Claudel qui est magnifique. J'ai aimé la Chine. Il y a ainsi des pays qu'on accepte, qu'on épouse, qu'on adopte d'un seul coup comme une femme, comme s'ils avaient été faits pour nous et nous pour eux. Vous vous êtes sentie à un moment donné faite pour la Chine? Complètement. En fait, j'ai fait mon premier voyage en 2004 en tant que touriste. On est parti 5 semaines donc dans la famille, chez l'oncle et la tante de mon copain à l'époque, et j'ai dit au bout d'une semaine ou deux, un jour on viendra vivre ici. J'ai eu un coup de cœur immense, j'étais fascinée, complètement fascinée. Alors vous avez vécu 5 ans sur place, vous êtes mariée en Chine, et aujourd'hui vous retourneriez sur place avec votre nouvel amoureux? Oui, j'aimerais beaucoup lui montrer ce que j'ai aimé en Chine, et aussi aller découvrir encore des régions que je ne connais pas. Oui, Liu, entendre parler de votre pays natal avec autant de chaleur, ça vous fait chaud au cœur? Oui, absolument. Mais il faut savoir que il y a très peu de gens, c'est comme notre cher collègue, qui connaît bien la Chine. Il faut aller sur place, il faut ôter les lunettes noires, il faut abandonner, n'est-ce pas, les idéologies pour connaître un pays. Regardez derrière l'ombre chinoise. Ah oui, oui. Alors, attention, Liu, parce qu'on dit qu'en Chine, on mange tout ce qui a 4 pattes sauf les tables, tout ce qui vole sauf les avions et tout ce qui nage sauf les bateaux. C'est vrai? Oui, c'était comme ça. Tandis qu'aujourd'hui, tout a changé, la vie s'améliore. Donc, on a des choix. On peut choisir ce qui est OGM, ce qui n'est pas OGM, même comme ça. Donc, on ne mange plus les chiens alors? Alors les chiens, alors ça c'est vraiment c'est une histoire en Europe. On dit que les Chinois mangent des chiens, c'est tout à fait faux. Parce que dans certaines régions montagneuses, on garde toujours cette tradition de manger des chiens, mais ce ne sont pas des chiens. n'est-ce pas, que nos Européens et Européennes qui prend dans les bras ou les soirs, ils les promènent. C'est pas tout à fait des chiens comme ça. Et puis vous direz que chez nous, on mange bien des lapins. Mais justement, vous mangez des chevaux, vous mangez des vrai. Lapins, c'est tout à fait comme ça. Alors, il y a la culture du riz en Chine, mais ça c'est au nord du fleuve. Alors, la rivière du Yangtze qui divise la Chine géographiquement au nord et au sud. Oui, oui. Dont les Chinois, les Nordiques, les Chinois du nord mangent plutôt la pâte. Ouais. Du blé, pasé du blé. La farine. Ouais. La farine. Ouais. Donc les Chinois du sud, c'est plutôt le riz. Donc la rizière que vous avez décrite, c'est plutôt au sud de la rivière du Yangtze, du fleuve du Yangtze. Oui, vous confirmez ou bien ça a des nuances? Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense quand même qu'on mange des choses très étranges en Chine, des pâtes de poulet, coups de canard. On mange quand même beaucoup de choses très étranges, même si on ne mange pas de chien. Oui, le foie gras, par exemple, pour les Chinois, c'est bizarre. Oui. Le foie gras, pour les francophones, c'est vraiment quelque chose. Oui, c'est indispensable, à Noël d'ailleurs. Oui, mais tout ça est culturel, hein, c'est absolument. Vrai. Il faut enlever ses œillères. Ça fait partie. Alors, voici du reggae chinois, parce qu'il y a du reggae en Chine. C'est Shan Ren sur la première. Un peu le Manu Chao chinois, il vient de Shanghai, ville où a vécu notre Belge du bout du monde, Morgane Delesse, et est en studio aujourd'hui avec Liu Jun, journaliste chinois de Bruxelles, et au bout du fil, Evelyne Letaway. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Evelyne, dont le portrait est dressé par Frédéric Thiébault dans Les Belges du bout du monde. Vous rêviez, toute petite, d'être star du petit écran au bout du monde, Evelyne ? Pas au bout du monde, mais oui, j'avais toujours été intéressée par le journalisme et les médias. Ouais. Ouais. Je trouvais ça vraiment être la personne qui présentait le journal sérieuse. Ça m'impressionnait beaucoup. J'aurais jamais cru que ça se serait réalisé en Chine. Alors chez nous, c'est bouché, hein, le boulot. C'est, à la limite, c'est peut-être plus facile de trouver un poste à l'étranger. Ah ben là, je dois dire, en tout cas, de mon expérience personnelle, je pense que je peux dire que j'ai eu un coup de bol mais phénoménal. J'étais juste en Chine au bon moment, avec les bonnes compétences. Ouais, mais chapeau, hein, c'est une belle histoire. Vous aussi, Morgane Delesse, vous avez trouvé du travail facilement parce que vous êtes partie par amour, vous n'êtes pas partie pour travailler. J'ai eu une chance inouïe aussi. Je pense que je suis arrivée au bon moment. En 2009, il y avait encore du travail. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'en 2 mois, j'ai décroché d'abord un stage au petitjournal.com. Et puis, ça s'est transformé en boulot. Et moi, j'ai eu une chance inouïe. Alors, à Shanghai, c'est une vie sociale très active. Il y a des sorties, des happy hour, des ladies night. Oui, c'est vrai que quand on me demande ce que j'ai fait au niveau loisirs en Chine, malheureusement, je dois avouer qu'il y avait beaucoup de sorties, beaucoup de restos, beaucoup de bars. C'est une ville qui est très, très dynamique. Il n'y a pas une semaine sans l'ouverture d'un nouvel établissement. Donc, on a envie de profiter un peu de cette vie-là. Ça fait penser un peu à New York dans les années 90. Quoi. Oui, heureusement, vous faisiez un petit peu de yoga pour vous recentrer. Voilà, le vélo pour aller au boulot et le yoga pour équilibrer un peu tout ça. Isabelle Lacan écrit, et c'est d'ailleurs dans votre bouquin, en Chine, patrie de la dualité, du yin et du yang, rien ne s'oppose, tout se complète. Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est une phrase un peu toute faite, mais en fait, c'est très vrai. Les Chinois sont très attachés à ce concept-là au quotidien, et que ce soit dans la nourriture, dans leurs relations professionnelles. Comme Loïc le disait, on équilibre vie privée, vie professionnelle. Enfin, ça se ressent tous les jours. Vous, Lio, vous avez vécu en Afrique aussi une année. Dans quelle région? Alors, c'est en Tunisie, à Tunis. Ouais, espace francophone hein, de l'Afrique. Absolument. Ouais, ouais. J'ai bien profité pour voyager dans tout le pays. D'accord, aller nager à Djerba, aller vous promener dans le Carthage. Ouais, à Carthage aussi. Ouais, ouais, très bien, très bien. Puis vous êtes passé par la Suisse, un pays de montagne comme le vôtre, hein, parce que la Chine, c'est un pays où il y a plein de sommets, les plus hauts sommets de la planète. Absolument, c'est Himalaya, évidemment. Mais ce que j'aime en Suisse, si je compare la Suisse et la Belgique, c'est la Suisse, je peux faire du ski, manger la fondue. Mais ici, c'est un pays très plat. Mais ça ne m'empêche pas que je suis tombé amoureux de la Belgique. On fait de la bonne fondue à la baraque friture. Moitié-moitié, hein, moitié-moitié. moitié gruyère, moitié vacherin. C'est vraiment, c'est le top du monde. Hein. Fais un peu de pub. Alors, quels sont vos endroits préférés? J'ai envie de vous demander à tous les trois, là-bas dans l'Empire du Milieu. Allez, on va commencer par celle qui est au bout du monde. Evelyne, la médaille d'or des endroits que vous préférez en Chine? Ah, tout d'abord, dans le sud de la Chine, dans la région du Guangxi, il y a un endroit qui s'appelle Lijiang, qui est un village d'une minorité à côté de montagne, avec encore ce paysage de plateaux comme ça, de gradins pour la culture du riz, dans une grande vallée montagneuse, c'est vraiment magnifique. Et tout au nord du pays, c'est Qingguangzhou, qui est une ville au nord-est de Beijing, et c'est là où la Grande Muraille se termine et arrive à la mer. Ouais, joli, et je vois. Quand on pense à cette muraille qui a commencé des milliers de kilomètres plus à l'ouest, au fin fond de la route de la soie dans les steppes sibériennes, et là, elle vient se terminer. Ce mur construit de main d'homme se termine par une magnifique porte juste en face de la mer sur la plage. Liu, vous fermez les yeux, c'est comique, parce que vous regardez tout ce qu'Evelyne raconte. Parce que je voyage déjà dans l'imagination, ce qu'Evelyne a dit. Ouais. Et votre endroit préféré, Liu? Alors, en chinois, on dit « shui bu shuo an jia xiang hao ». Qui ne dit pas que son pays, c'est le meilleur? On est un peu chauvin. Oui, chauviniste, évidemment. Mais j'ai grandi à Beijing, alors je dis, évidemment, Beijing, c'est mon premier choix. Mais ma mère vient de Anhui Yellow Mountain, de la région de Yellow Mountain, montagne jaune. C'est une région où il y a des villages plusieurs fois centenaires. C'est aussi un endroit que je propose aux touristes étrangers. Les montagnes jaunes de Absolument, Chine. Ouais. Et vous, Morgane? Je dirais peut-être le village fortifié de Pingyao. C'est le dernier village fortifié de Chine, tout construit en pierre traditionnelle. Et ils accueillent une fois par an un festival de photographie. C'est vraiment l'occasion d'y aller. C'est un très beau petit village. Alors on fait rapidement le tour. Pour une fois, c'est un tout petit endroit en Chine. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Je m'en voudrais de ne pas parler de votre métier, journaliste. Est-ce que la notion de liberté de la presse est la même là-bas? Est-ce que vous avez pu circuler? Est-ce que c'est fort contrôlé? Evelyne, tout d'abord. Évidemment, à CCTV, on était les nouvelles officielles. Oui. Donc sur la même ligne que la CCTV en chinois. Liberté de la presse. Comment dire, je pense qu'il faut laisser la Chine et la population chinoise essentiellement, qui est beaucoup plus intelligente que nous et beaucoup plus au fait de leurs différences culturelles et de leurs différences par rapport à nos concepts occidentaux, je crois qu'eux trouveront la solution et trouveront bien meilleure que la nôtre que nous occidentaux. Parce qu'en dépit de notre amour et notre intérêt pour la culture chinoise, on ne sera jamais autant des deux côtés avec une telle finesse et subtilité de compréhension qu'eux. Donc j'ai une grande confiance dans la société chinoise et un grand respect pour ses dirigeants. Parce que tenir un pays d'1,5 milliard de personnes et le sortir de la pauvreté comme ça, personne d'autre ne l'a jamais fait dans l'histoire du monde. Il faut leur rendre ça quand même. Ne soyons pas donneurs de leçons. Morgane Delesse, un sentiment ? Bah en fait, moi, j'ai travaillé pour un média français, francophone, qui est centralisé à Paris. Donc, je n'ai pas trop ressenti de censure de la part des autorités. Par contre, il y avait une vraie autocensure. C'était plutôt un journal bienveillant. Donc, on essayait de choisir une actualité plutôt positive, en essayant de la comprendre, en essayant de la décrypter. Mais donc, on n'a pas trop senti de censure chinoise, non. Oui, Liu, je vous voyais opiner du chef. Écoute, alors, les journalistes chinois ont un défaut. Ce défaut-là, c'est que nous écrivons sur le monde extérieur d'une façon très positive. Alors nous n'avons pas l'intention de donner des leçons aux pays qui nous accueillent. Même nous sommes trop gentils parce que nos articles sont lus par les lecteurs chinois et ils croient que Paris, c'est un paradis. Ils baladent avec beaucoup d'argent dans la poche et c'est à cause de nous. Ils sont très souvent attaqués. Détroussés, oui. Oh là là, ça même à Genève, toutes les grandes métropoles européennes, les touristes chinois sont des proies. Évidemment, c'est une petite anecdote, mais cela veut dire que nous faisons des choses plutôt favorables. Nous sommes des ponts d'amitié. Ce n'est pas pour venir ici donner des leçons, dire que vous avez tort et nous avons raison. Donc la Chine n'est pas un paradis, mais elle est loin d'être un enfer. Oui, et comme on dit en Chine, je crois que c'est un dicton de chez vous, les œufs ne doivent pas se battre avec des cailloux. Ah oui, il y a un dicton comme ça. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission que nous allons terminer en jetant un petit coup d'œil sur les perspectives. La Chine, Catherine Tenéo, a accueilli le dernier sommet du G20. Oui, c'est la première fois qu'il était organisé en grande pompe en Chine. L'occasion d'une nouvelle démonstration de puissance pour l'actuel président, c'est Xi Jinping, si je le prononce bien. Absolument. Voilà, il a beaucoup été question des objectifs que se donne le pays vis-à-vis du reste du monde. Ouverture du marché, innovation, croissance, développement durable. C'est durant ce sommet, on le rappelle, que la Chine a ratifié l'accord de Paris sur le climat. Une avancée majeure quand on sait que 20% environ des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de Chine. Il faudra maintenant que les actes suivent les paroles. La situation des droits de l'homme est un autre défi de taille en Chine. Il faut le dire, premier pays au monde en nombre d'exécutions de condamnés à mort, où les détentions arbitraires sont toujours d'actualité, où la liberté d'expression, on en a parlé, et les droits des minorités restent problématiques. Les Jeux Olympiques d'été en 2008 à Beijing avaient remis la situation au premier plan de la scène internationale. Bon, cela n'a pas empêché le Comité international olympique de rechoisir Pékin pour l'organisation des JO d'hiver. Ce sera en 2022. Oui, les Chinois qui décrochent pas mal de médailles, comme les Belges d'ailleurs pour l'instant aux Paralympiques. Vous avez eu l'occasion de suivre les Jeux Olympiques de Londres, peut-être, Liu ? Oui, un petit peu, oui. Et ceux de Pékin, les précédents, vous étiez sur place ? Oh, c'est incomparable, parce que les Chinois sont vraiment de bons organisateurs. Tant que les Jeux Olympiques que les Expo mondiales. Tous les deux, je connais bien. Oui. Oui, alors les Chinois sont aussi de bons cyclistes. Est-ce que vous allez participer aujourd'hui au dimanche sans voiture à Bruxelles ? Oui, non, je ne vais pas rouler mon vélo, mais je vais faire des photos pour mon journal. Vous allez faire de la propagande ? Dans le bon sens. Merci Liu, merci infiniment d'avoir eu la gentillesse et le courage de venir témoigner à notre micro, c'est super sympa. Merci beaucoup. D'être venu nous apprendre sur la Chine, la Suisse, la Tunisie. On a brisé pas mal de clichés aujourd'hui, je crois, grâce à vous aussi. Evelyne Letao, bonne chance, bonne continuation. Merci Adrien, bonjour à tous. Evelyne qui intervenait depuis Londres, parce que c'est là que vous êtes maintenant, vous êtes une grande voyageuse. Oui, parce que depuis la Chine, j'ai fait Paris et maintenant je suis à Londres. D'accord. Je vais bientôt repartir en Chine. Je vous rappellerai dans 10 ans, quelque part ailleurs en Chine ou sur la planète. Merci, bonne continuation Morgane. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. La semaine prochaine, nous serons aux États-Unis. Catherine Tonero, juste avant votre départ pour la course à la Maison-Blanche. Et oui, pendant 3 semaines, on sera 3 journalistes à arpenter le pays à la rencontre de la population américaine à 1 mois tout juste des élections. C'est une opération inédite à venir sur la RTBF. Et on vous en parlera la semaine prochaine. Oui, on sera super content de vous entendre. Notre globe trotteuse qui reprend le large. Et oui, il est temps. Bon voyage, Catherine. D'ici là, rejoignez-nous à l'Atomium pour le beau vélo de Ravel du dimanche sans voiture, tout en écoutant la première, évidemment, dans un instant, Alain Gerlache et les décodeurs RTBF. Ce sera juste après le journal parlé de 10h. La première.

Mais sachez-le, les tunnels ne sont pas accessibles. Vous devrez donc rester en surface et bien sûr respecter le code de la route puisqu'il y a quand même des véhicules sur la chaussée, police, pompiers, ambulances, taxis et autres bus de la STIB. La STIB qui a renforcé ses différentes lignes pour l'occasion et tout son réseau est accessible gratuitement. Pour ceux qui ont opté pour le vélo, mais qui s'aperçoivent ce matin qu'un pneu est crevé par exemple, eh bien, sachez-le, des équipes mobiles de la SBL Cyclo peuvent venir vous dépanner. Il suffit d'appeler leur dispatching au 0800 25 260, 0800 25 260. Merci Pierre. Et à Namur, les fêtes de Wallonie se poursuivent aujourd'hui. En ce moment, démarre la cérémonie du souvenir. Et cet après-midi, le traditionnel combat des échasseurs commencera à 16h30, place Saint-Aubin. Un tout nouveau rendez-vous sur l'RTBF dès ce dimanche à 11h30. Sacha Daout et ses chroniqueurs présentent À votre avis, débats politiques et de société sur lesquels vous pouvez réagir en temps réel. Une application baptisée MatchTalk, sa télé chargé sur votre smartphone, vous permet de donner votre avis en direct. Sacha Daout nous explique comment ça marche. Les questions vont apparaître en direct, on va recevoir des petites notifications, des alertes. Chaque fois qu'une nouvelle question est posée, on va en être informé. Ce qui veut dire qu'on peut aller directement poser cette question. C'est ultra simple. En fait, on dit que le téléspectateur entre dans le débat, mais le débat entre aussi dans le téléphone du téléspectateur. Et ça, c'est tout à fait neuf. On a voulu utiliser ces moyens modernes de communication pour le faire. On peut bien sûr continuer à nous interpeller sur la page Facebook, sur Twitter, mais on veut en tout cas qu'en direct et en temps réel, j'insiste bien, on va pas prendre le temps de dépecer, d'analyser les questions. Vraiment, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le vote, les questions, eh bien, ça m'est transmis directement en studio et je peux interagir avec ça. C'est donc à 11h30 sur la Une Télé. Les sports en football, Moucron prend de l'air en bas de classement. Les Hurlus ont battu Westerlo 1-3. Courte défaite pour Eupen à Bruges 3-2. Zult est toujours en tête après son succès contre Courtrai. Aujourd'hui, le Standard se déplace à l'Auquerone à 18h et Gand à Ostende à 20h. Mais avant, dès 14h30, le match au sommet, Genk-Anderlecht. Les Mots vont gagner en confiance cette semaine en Europa League. Écoutez l'attaquant Hamdi Herbaoui. Les victoires améliorent toujours l'ambiance et ça donne un bon sentiment de confiance pour la continuité. Donc l'équipe a très bien joué, on a fait un bon match pour moi et on a gagné. Donc oui, on est sur une bonne spirale et j'espère que ça continuera encore ce dimanche. Il y a une très belle entente entre nous, il y a une très belle ambiance et ça commence à se voir sur les terrains. Il y a un nouveau groupe qui est en train de se mettre en place. L'ambiance dans le vestiaire aussi nous aide un peu dans tout ça. Interview Françoise Aleski. En tennis, la Belgique mène 3-0 face au Brésil, assurant déjà sa place en groupe mondial. Aujourd'hui, on joue donc les deux derniers simples pour la forme. Au menu du jour encore, la première édition de l'Euro de cyclisme en Bretagne avec le champion du monde Peter Sagan, mais aussi Philippe Gilbert sur un parcours qui pourrait bien lui convenir. Enfin, en Formule 1, Nico Rosberg partira en pôle au Grand Prix de Singapour devant Ricciardo. Très belle journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Il n'est pas venu à ski de fond sur roulette, mais il est bien là, rassurez-vous, Alain Gerlache. On décode, Alain ? Oui, on décode et on vous retrouve, on retrouve les infos en tout cas. Absolument. À 11h, parce que vous devez maintenant reprendre pédalo pour rentrer chez vous. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le pédalo. À tout à l'heure. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. La première. 10h, 11h, le dimanche. Les décodeurs RTBF. Avec Alain Gerlache. Bonjour à tous. Comment faire rentrer les iguanodons du musée des sciences naturelles dans son smartphone ? Réponse via une application de Google. Le géant du web séduit de plus en plus d'institutions culturelles. Nous verrons pourquoi. Cafouillage et mensonges dans la communication d'Hillary Clinton. Comment la dissimulation alimente les théories du complot ? Beldis, c'est une grande foire aux idées lancée par la VRT pour changer le quotidien. Nous recevrons un de ses animateurs. Pourquoi des chats ont envahi le métro de Londres ? Réponse dans la séquence Tendance Pub. Sur le web, ce sont des algorithmes qui sélectionnent les infos que nous recevons. S'informer via les réseaux sociaux nuit-il à l'ouverture d'esprit ? Nous en débattrons. Vous écoutez Les Décodeurs, le magazine qui prend le temps de décrypter l'actu du web, des médias et de la communication. 10h, 11h. Les Décodeurs RTBF sur la première. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter avec le compte et le mot-clé LDCRTBF et la page Facebook Les Décodeurs RTBF. Vous y trouverez toutes les infos sur l'émission et vous pourrez aussi réagir et débattre avec nos invités. Le coup de com' d'aujourd'hui est grand. très grand, gigantesque même. C'est un dinosaure. Nous avons chronométré le Tyrannosaure Rex à 40 km/h. Vous avez un T-Rex ? Vous dites que vous avez un T-Rex ? Redites. Oui, nous avons un T-Rex. Bonjour Camille Pisani. Bonjour. Alors vous êtes la directrice du Musée des sciences naturelles de Belgique. C'est un établissement où on peut notamment voir les célèbres iguanodons de Bernissart. Et dorénavant, on pourra même peut-être les voir aussi en restant chez soi, sur son ordinateur, sur son smartphone, sur sa tablette, parce que vous avez rejoint le projet Google Art et Culture, un projet qui vise à mettre de nombreux musées à la disposition du public chez soi. Quel est le sens de cette démarche ? Exactement celle-là. Mettre le musée à la disposition du public chez soi, dans une certaine mesure, bien sûr. En fait, ce projet nous a énormément intéressés parce que le musée est irremplaçable, mais il faut y aller. Mmh. Et les outils, la plateforme que proposait Google permettait à des gens qui n'y ont pas accès facilement d'en visiter non seulement les collections, pièce par pièce, mais même les salles. Oui. Y compris en réalité 3D, c'est impressionnant. Oui, c'est avec un dispositif de Google qui s'appelle Cardbox, hein, c'est une sorte de boîte, un peu en carton d'ailleurs, oui, dans laquelle on glisse son smartphone et alors on a une vision 360, c'est assez saisissant. On va en parler aussi sur nos pages Facebook et sur les réseaux sociaux pour montrer ce que c'est. Mais en faisant ça, est-ce que vous ne risquez pas de faire en sorte que les gens se disent bah, « il n'y a plus besoin d'aller au musée ?» Est-ce que les documentaires animaliers vous ont empêché d'avoir envie d'aller en Amazon ou au Kenya ? Non, probablement. Rien ne vaut la visite réelle. Pour moi, ce genre de visite ne remplace pas et surtout ne décourage pas. Au contraire, d'abord, il donne à voir ce qu'on a énormément de mal à visualiser et à rendre visible pour les gens qui sont à l'extérieur. Il donne à voir l'intérieur chez soi. Et pour moi, ça donne surtout envie d'aller voir l'original. Rien, mais rien ne remplace l'impression que vous avez quand vraiment vous-même vous rentrez dans la galerie des dinosaures. Alors, vous avez aussi rejoint un autre projet de Google, décidément très actif, c'est Google Expédition, qui lui s'adresse davantage aux écoles. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de donner à un certain nombre d'écoles la possibilité d'explorer les musées, mais selon des modalités différentes et plus encadrées. Ceci dit, j'espère bien qu'il sera un jour possible d'étendre ce dispositif au grand public. Parce que nous, par exemple, nous avons choisi de proposer aux écoles une visite dans les coulisses. Et pour répondre à votre question précédente, alors voilà exactement ce à quoi la réalité virtuelle peut servir. Nous ne pouvons pas accepter les gens dans les collections, sauf par tout petit groupe et dans des circonstances exceptionnelles. Là, ça serait possible d'ouvrir la visite des conservatoires à un public qui est à des milliers de kilomètres. En même temps, Google Agriculture, Google Expédition, est-ce qu'on ne va pas vous accuser de mettre vos collections, votre savoir au service d'un géant américain ? Je crois pas. Je crois vraiment que c'est un partenariat équilibré. D'abord, il y a un contrat. C'est-à-dire qu'en aucun cas, nous avons cédé la propriété, même intellectuelle, de l'image de quoi que ce soit à Google. Nous en restons entièrement maîtres. Et donc, nous avons tout à fait la possibilité que les images très haute définition qu'ils ont produites, nous puissions nous en servir au bénéfice de nos utilisateurs. Et ce qui vous permet aussi de mettre toute une série de choses à la disposition du public gratuitement. Oui, ce qui est intéressant dans le dispositif de Google, c'est évidemment la numérisation, encore que nous faisions beaucoup en la matière, mais c'est aussi la diffusion. Peut-être même encore plus la diffusion. Pour moi, Google est un canal de visibilité et de diffusion de ce que nous avons produit, même numériquement. Et ça, nous n'avons pas vraiment d'alternative que de rentrer en partenariat avec les grandes plateformes qui sont vraiment les grandes plateformes utilisées par tout le monde. Ce n'est de toute façon pas une rupture pour vous. Le musée des sciences naturelles a toujours été, je dirais, ouvert à la technologie. Bah, écoutez, derrière le musée des sciences naturelles, il y a l'Institut des sciences naturelles et tous les laboratoires de recherche sont évidemment très ouverts à la technologie. Les séquenceurs ADN, les CT scans, les imprimantes 3D, enfin les laboratoires sont pleins de nouvelles technologies. Mais les salles aussi. avec les iguanodons de Bernissart et les trésors des collections, il y a au moins 200 dispositifs interactifs qui expliquent au public, et la plupart sont basés électroniquement sur des nouvelles technologies. Bon, que veut dire nouvelle, mais oui, quand même, qui sont elles toujours... Ils ont tendance à vieillir un peu. Bien sûr, mais ouais. Nous suivons l'actualité, on est passé aux tablettes, on va passer à la réalité virtuelle. Voilà, et ce que l'on vient de décrire, comment peut-on le trouver? Où doit-on aller? Que doit-on faire pour voir toutes ces collections que vous allez mettre à la disposition du public via Google? Alors d'abord, on commence par aller rue Vautier, parce qu'il y a un vrai musée. D'accord, rue Vautier, oui, et on voit tout ce qui est réel. Ouais. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Google Art and Culture. On télécharge une application. On télécharge une application. On fait une recherche. En fait, dans Google Art and Culture, choisissez Bruxelles. Voilà. Vous arriverez sur le musée des sciences naturelles. Il y a là une visite virtuelle que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Et si vous êtes l'heureux propriétaire d'une cardbox, vous pouvez être dans non seulement la galerie des dinosaures, mais toutes les autres galeries du musée. Et d'ailleurs, quand la nouvelle galerie Planète Vivante ouvrira en 2018, on aura une visite supplémentaire à ce moment-là. Eh bien, on suivra ça attentivement et on mettra aussi, évidemment, tous ces renseignements pratiques sur nos pages sur Internet. Camille Pisani, merci beaucoup. Merci. Bienvenue à Jurassic Park. Dans quelques minutes, nous nous intéresserons à une grande opération participative de la VRT. Elle vise à rassembler des propositions citoyennes pour améliorer le quotidien. Belle ambition. Mais à propos de quotidien, on ne peut pas dire que celui d'Hillary Clinton a été radieux cette semaine, à cause de sa santé, bien sûr, et aussi l'impact du cafouillage dans sa communication, tout comme le mensonge de l'ex-ministre socialiste français Jérôme Cahuzac, dont le procès est en cours. La dissimulation, ça ne pardonne pas. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément catégoriquement. Hillary attend sa voiture. Elle est appuyée sur un piquet de béton. Une assistante tient son bras. Elle se lève, mais tangue immédiatement sur ses pieds. Ce qui est arrivé hier est dû au fait que j'étais particulièrement touchée par ces commémorations. Ça fait 2 ans que Donald Trump va partout clamant qu'elle est malade et qu'elle est menteuse. Elle vous ment. Je dément catégoriquement. Quand j'y songe, elle vous ment. La vie serait carrément grise. Communication, mensonges et complots, nous en parlons avec Nicolas Roizin. Bonjour. Vous êtes observateur des médias et consultant. Et au téléphone, Nicolas van der Beest. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes notamment l'animateur du blog Reputatio Lab. Alors première question pour vous, Nicolas van der Beest. Il va falloir préciser à chaque fois cette fois-ci. Certains ont l'air de s'étonner des dégâts provoqués par les mensonges, même par omission, mais c'est pourtant très basique. Hein. C'est quand même une des premières choses qu'on apprend aux enfants. On ne peut pas mentir. C'est donc normal que l'opinion publique réagisse durement, non ? Oui, c'est-à-dire que le lien de confiance est brisé à partir du moment où on a l'impression que quelqu'un, particulièrement un politique, nous a menti ou a omis de communiquer sur certaines choses. Et donc là, typiquement, c'est quelque chose qui est problématique parce que c'est le lien de confiance qui se brise et surtout le doute qui s'institue. Nicolas Roizin, c'est d'autant plus dévastateur que pour beaucoup, l'image des hommes et des femmes politiques, eh bien, c'est que ce sont des menteurs. Les exemples ne manquent pas ou ils doivent se justifier. Alors c'est catastrophique. Et alors il y a autre chose que moi je trouve vraiment dommage, c'est que ça finit par alimenter d'autres rumeurs. Mm-hmm. Donc, puisqu'on s'est dit, bah, ils nous mentent sur telle chose, bah, peut-être qu'ils nous mentent sur d'autres choses. Et alors c'est là que vous avez des complots. On a parlé d'un sosie hein, pour Hillary Clinton quand elle est rentrée chez sa fille Chelsea en sortant. Il y a eu des images, on a comparé quand elle est rentrée, quand elle est sortie. Et donc voilà, c'est surtout catastrophique parce que finalement, on nous fait croire qu'on ne doit plus rien croire. Il y a même un Premier ministre néo-zélandais qui a dû passer un test peu spécial. C'est une anecdote qui est vraiment tuante, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la théorie des reptiliens. Donc ce seraient des reptiles qui auraient pris la forme humaine pour pouvoir mettre l'humanité sous son esclavage. Et vous avez en Nouvelle-Zélande quelqu'un qui a porté plainte contre le Premier ministre en disant vous êtes un reptilien, et si c'est pas le cas, prouvez-le. Et donc, il a été obligé de passer un test médical. Et donc, vous aviez, c'était il y a deux ans, il y a des dépêches très sérieuses qui disaient le Premier ministre néo-zélandais n'est pas un reptilien. Voilà, et il y a des gens qui pensent que je parle tellement de numérique parce qu'en fait, je suis un cyborg. Donc, peut-être que je devrais aussi passer un test. Nicolas Van Der Bies, les mensonges ne sont pas seulement dévastateurs pour leurs auteurs. Ils alimentent aussi, on vient de dire, les théories du complot. Ça, c'est vieux comme le monde, mais aussi avec le net, évidemment, c'est vraiment la voie royale pour les complotistes, comme on les appelle. Oui, parce que ça crée un précédent, c'est-à-dire, regardez, à ce moment-là, elle a menti, regardez, à ce moment-là, il s'est passé ça. Et donc, on peut commencer ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif, c'est-à-dire qu'on va dérouler d'autres éléments de preuve qui vont accréditer une version finale, comme quoi, par exemple, Hillary est malade ou toute autre forme de complot. Donc là, c'est vraiment un mets de choix pour ceux qui organisent la mésinformation. Parce que derrière le discrédit des responsables politiques auprès d'un certain nombre de gens, il y a aussi la méfiance vis-à-vis des médias traditionnels et le web apparaît alors là comme une alternative qui, elle, donne la vérité. Oui, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que dans les communautés d'extrême droite et autres, il y a tout un courant qui s'appelle la réinformation, c'est-à-dire qu'on réécrit l'actualité, on souligne certaines choses, on récupère des faits anodins mais qu'on monte en épingle, on modifie, on prend tel événement pour le mettre en coïncidence avec un autre, et donc c'est vraiment la réorganisation de l'information, pour dire les médias nous mentent, mais regardez, même en regardant les médias, on peut trouver des choses et des vraies informations, et regarder la vérité. Alors, je voudrais aussi vous faire entendre un extrait d'une interview de Rudolph Giuliani, c'est l'ancien maire de New York. C'était avant l'incident de cette semaine qui concerne Hillary Clinton. Une journaliste de Fox News lui objecte qu'il n'y a pas d'éléments à propos d'une fameuse maladie de Clinton. Ce sont des spéculations. There's nothing factual to the claims about her health and that's speculation at best. Well, so go online and put down Hillary Clinton illness. Take a look at the videos for yourself. Alors sa réponse est donc, allez sur internet, faites une recherche Hillary Clinton maladie et regardez les vidéos par vous-même. Nicolas Roizin, il embraye sur ce discrédit des médias et des politiques. Exactement, c'est dramatique en fait, hein, que quelqu'un qui a ce niveau-là, cette stature. C'est rappelons quand même... que c'était aussi le maire de New York au moment des attentats de 2001. 2001 oui. Exactement, donc c'est quelqu'un qui jouit en plus d'un crédit important aux États-Unis, c'est pas n'importe qui. Et donc effectivement, c'est vous mettez Hillary Clinton et vous allez voir tout ce que vous allez trouver en sachant que ce qu'on trouve sur le net... C'est rarement des médias qui sont contrôlés, qui recoupent de l'information. Il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de mensonges et d'inventions aussi. Nicolas Van Der Bies, voilà donc un responsable politique qui s'appuie sur des rumeurs du net pour attaquer une adversaire. Ça vous inspire un commentaire ? Oui, c'est-à-dire qu'en gros, c'est regarder ce que le peuple dit et la voix du peuple a toujours raison. Et c'est assez magique parce que si on changeait simplement Hillary Clinton par en septembre, on a également ce que disaient tous les complotistes. Allez sur le web, regardez les vidéos, ce sont des vrais experts, ce sont des gens du peuple en opposition à l'intelligentsia et autres. Et donc c'est assez frappant et ça illustre une tendance actuelle qui est de on va se servir des réseaux sociaux ou du web comme terreau fertile pour dire regardez, là s'exprime la vraie opinion, le peuple. Nicolas Roizin. Ce qui est dramatique, c'est aussi l'impact. Je vais prendre quelques chiffres parce qu'il y a un sondage très récent. C'est le dernier sondage qu'on a sur les complots qui a été fait par Harris Interactive au mois de juin pour le magazine Science et Vie, donc un magazine très sérieux. Et je vais vous donner 2-3 pourcentages pour qu'on comprenne bien l'impact sur les gens de tous ces complots, etc. Pour 51% des Français, Diana est assassinée, donc la princesse Diana. Oui. Et pour 31% des Français interrogés, les véritables auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo n'ont pas été découverts. Et en fait, quand vous regardez sur Internet et les réseaux sociaux, comme vient de le dire Nicolas, ce qui se passe, on vous fait croire qu'on vous mésinforme, on doit vous réinformer. Et finalement, les plus jeunes, puisque ce sont eux qui sont souvent les plus touchés, ne prennent pas la distance nécessaire. Et tout ce qu'ils voient sur le net, c'est comme si c'était vu à la TV il y a 10 ou 15 ans. Donc, c'est parole d'évangile, quoi. Mais alors, justement, parole d'évangile, Nicolas Van Der Bies, comment est-ce que l'on peut tenter d'enrayer cette désinformation, volontaire ou non ? Alors, il y a toujours cette tendance du journaliste à récupérer des complots pour essayer de les discréditer, dire, voilà, regardez, c'est faux et autres. Mm-hmm. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment, parce qu'en fait, au contraire, vous rendez beaucoup plus visible quelque chose qui est propagé au sein d'une certaine communauté. Donc, typiquement, par exemple, ici, sur la santé d'Hillary, ça faisait des mois que l'extrême droite propageait des messages mettant en doute sa santé. Et donc, typiquement, quand vous êtes un grand média, etc., et que vous répercutez le complot, en fait, vous donnez beaucoup plus de visibilité à celui-là. Alors, c'est quelque chose de complexe, puisque finalement, soit je réagis et je, finalement, fais la promotion, soit je ne réagis pas et je cautionne. Tous les coups sont perdants. Oui, tous les coups sont perdants. Tous les coups sont perdants. Soit on réagit... C'est ça, c'est ça que je disais, que moi, que sur le web, le premier qui tire, il a gagné, parce que soit vous réagissez, soit non, mais de toute façon, il a gagné. C'est quelque chose d'assez difficile, et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse. Que faire ? Ce qui est très compliqué aussi pour les journalistes entre guillemets professionnels, c'est que vous avez face à vous des gens qui avancent des arguments. Par exemple, on va reprendre le 11 septembre, les tours n'ont pas été, enfin elles ont été percutées, mais après elles se sont écroulées parce qu'il y avait des explosifs. Le Pentagone n'a pas été attaqué. Voilà. Et en fait, les gens mettent en avant des arguments qui vous obligent, vous, à devenir expert, soit en aéronautique, en bâtiment, et vous n'avez pas le temps. Et si vous prenez le temps, ça va prendre 3-4 semaines avant de répondre à quelque chose qui, sur le net, meurt déjà le lendemain. Donc c'est très compliqué pour les journalistes professionnels de faire de la contre-propagande, entre guillemets. Nicolas Van Der Beest, votre conclusion ? Oui, c'est vrai, c'est-à-dire ce millefeuille argumentatif, c'est-à-dire ce qui est bien quand on ne doit pas dire la vérité, c'est que c'est très facile de trouver n'importe quoi pour dire, pour faire une opposition. Donc c'est un jeu dangereux, et d'ailleurs un des journalistes français qui avait interviewé quelqu'un qui était complotiste du 11 septembre a dit vraiment qu'il avait perdu le combat, parce que de toute façon, il est arrivé avec son millefeuille argumentatif. Bon, eh bien, voilà qui n'est pas vraiment optimiste, mais nous aurons quand même l'occasion d'y revenir. Et puis, c'est la réalité, on essaie de la décrire telle qu'elle est. Si vous avez envie de réagir et de débattre avec nos deux invités, eh bien, les décodeurs RTBF sur Facebook et Twitter, LDC RTBF. Les décodeurs RTBF sur la première. Beldis, c'est le titre d'une grande opération que lance Radio Ain, la radio d'info et de débat de la vérité. À partir de demain et pendant une semaine, les auditeurs et internautes de la chaîne seront invités à formuler des propositions concrètes pour améliorer le quotidien des Flamands. Alors, pour en parler, nous accueillons Xavier Taverne, journaliste à la VRT et un des animateurs de l'opération. Oui. Bonjour Xavier. Bonjour. C'est la deuxième édition de cette initiative. Et voilà par exemple ce que ça donnait. L'une des idées émises par un auditeur pour lutter contre l'obésité. Interdisons le sucre au moins de 18 ans, mais ça ne plaît pas vraiment aux jeunes. Occupant sportif, tu signes, frère ? Vanaf nu zouden alle suikers verboden worden voor iedereen onder de 18 jaar, toch? Ja. Het is misschien goed voor de tandjes. Maar waarom is dat nodig? Is jouw idee voor morgen onzinnig of realistisch? Bel 10 zoekt het uit op Radio 1. Voilà, des idées intelligentes ou irréalistes. Au moins intelligentes. Voilà. Oui, au moins intelligentes. Mais c'est bon pour les dents, hein, on a entendu quand même. Voilà. Alors voilà, toutes les idées sont les bienvenues, c'est un lieu d'échange. Mais avant tout, vous voulez être concret, c'est ça. Ce sont des choses très concrètes que vous voulez aborder. Très concrètes dans la vie quotidienne, comme tu as dit, pour les auditeurs, pour tout le monde qui nous écoute, mais enfin, pour tout le monde, en fait. Voilà. Mais c'est pas des grandes idées... philosophiques ou idéologiques. Non, voilà, c'est vraiment des mesures concrètes. Oui, voilà. Et pourquoi ça s'appelle Beltin, Beldis ? Tu connais les brainstorms, hein ? Oui. Mais on avait l'idée, ça, c'est une référence à la Bell 20, Bell 20, qui est l'index de la bourse. De la bourse, voilà. Mais on n'avait pas le temps pour avoir 20 idées. On a fait. Mais ça veut dire que vous voulez quand même sélectionner des idées. Vous ne prenez pas tout, on discute, on sélectionne. Comment ça se passe, ça ? Avant l'été, on a fait un appel aux auditeurs de nous donner des idées. Mm-hmm. On avait eu 1900. Quelque chose. Proposition. Oui, proposition. Pas mal. Et de toutes ces idées, on a sélectionné 10 thèmes des idées qui retournaient beaucoup. Voilà. Et voilà, on a 10 thèmes qui sont plus ou moins populaires chez les auditeurs. Et ces thèmes, c'est quoi, par exemple ? C'est en fait respect for wrinkles, le respect pour les plus vieux dans notre société. La mobilité. La mobilité, oui. Ouais, électricité. Ouais. Et on commence demain avec la sécurité vis-à-vis la liberté. D'accord. Combien de liberté est-ce qu'on on veut opofferen. Oui, donner. On est prêt à renoncer à combien de liberté pour un peu de sécurité. Ouais, voilà. C'est parce que c'est ça la grande discussion après ce qui s'est passé à Bruxelles le 22 mars. C'est une question qui concerne vraiment les auditeurs. Oui, voilà. C'est ça le premier débat demain matin. Voilà. Et alors, cette année, nouveauté, vous allez remettre les conclusions à Geert Bourgeois, le ministre président flamand. Vous espérez qu'il va en tenir compte ou bien il va dire « Ah, c'est gentil, merci, une petite tasse de café et puis c'est fini ». Entre les deux, non. c'est de lundi à lundi. Alors, lundi prochain, le 26, c'est la déclaration gouvernementale de Geert Bourgeois pour ouvrir l'année politique en Flandre. Et c'est Linda De Wijn. Linda De Wijn, c'est un collègue de la... Journaliste politique de la VRT. Elle a une émission qui s'appelle Villa Politica. Voilà. Elle est, toutes les semaines, elle est en direct des deux parlements. Et elle va donner notre déclaration gouvernementale un peu alternative. Voilà. Et nous espérons qu'une ou deux idées de notre déclaration... on va les retrouver dans la déclaration de Geert Bourgeois l'après-midi. On suivra ça attentivement. Alors, pratiquement, c'est sur Radio Ain, c'est sur votre site, mais vous sortez aussi de votre studio, vous allez à la rencontre des gens, vous serez au Mont des Arts à Bruxelles. C'est ça la plus chouette, en fait. Dès demain, on est sur le Mont des Arts, à Bruxelles, juste à côté de la gare centrale. Oui. Et c'est dans un grand, grand bâtiment, avec un grand sticker Radio 1. On ne peut pas vous rater. Non, à ne pas rater. Ouais. 6h le matin jusqu'à 7h le soir. Et tout le monde est le bienvenu pour en discuter des idées, mais pour boire un café. Il y a de la viennoiserie le matin. Des bières. On a des concerts sur le midi. Le temps de midi, temps de midi. Chaque jour, aussi le week-end, en fait. Ça donc, c'est pas seulement sérieux, c'est aussi une vraie animation. Non. C'est convivial. Oui, voilà. Le matin et le soir, on a les idées vraiment constructives, des idées qui, peut-être, vont donner de nouvelles lois. Mais le midi, il y a le concert, mais il y a aussi les idées un peu fous. Voilà. Les idées un peu out there. Oui, voilà. Et on va les essayer. Comme par exemple? Comme par exemple, il y avait une idée d'un auditeur que tous les présidents du parti politique doivent être un peu plus gentils. On les a tous rassemblés, invités pour donner des compliments 2 heures. Ça va les changer, en effet. Bon, donc ça m'étonnera, mais... On verra. Donc, on peut venir vous voir. Oui. OK. Eh bien, écoutez, Xavier Taverne, merci beaucoup et bonne chance avec cette opération. Grand merci. C'était non seulement téléphone, mais il faut bien l'avouer aussi, un peu téléphoner. Voilà. Dans quelques instants, Frédéric Brébant nous dira pourquoi des chats ont envahi le métro londonien. Ça se passe sur la première. Mardi, Anne Sinclair dans le Forum de Midi Première. À la veille de l'ouverture à Liège de l'exposition qui a pour titre 21 rue de la Boétie, qui aborde le parcours exceptionnel de Paul Rosenberg, grand-père d'Anne Sinclair et ami et agent de Picasso, Matisse ou Braque, la journaliste répond aux questions de Fabienne Vandemersch. Midi Première, le Forum, de midi à 13h30 sur la Première. La Première est là de présente, Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations les plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be, avec le soutien de Bruxelles Environnement et la ville de Bruxelles. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto, métro, vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger, je me suis dit Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Avec la une et la première. Oh, vous voyez, monsieur Marc, tous ces vins à découvrir, on croirait faire le tour du monde. Et je peux dire qu'ils sont délicieux, petit. Je leur donne un 20 sur 20. Ah, c'est drôle ça. À vous aussi, monsieur Marc, je vous donne un 20 sur 20. Pendant le festival des découvertes Carrefour Market, découvrez des vins jamais bu, à prix jamais vu. Vous ne les connaissez pas encore tous, alors venez vite. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. La première, la 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films touchants, forts et audacieux. Du 30 septembre au 6 octobre, faites le plein d'émotions au FIF. Info, fif.be, avec TV5, l'avenir, le soir et la loterie nationale. 10h-11h, sur la première. Les décodeurs RTBF. 10h32, nous sommes en direct sur la première et c'est l'heure de Tendance Pub avec Frédéric Brébant de Transcendance. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de chats. A priori, quand on est un habitué des médias et Internet, c'est pas très original. Sauf cette fois-ci, vous nous emmenez dans le métro de Londres où les chats ont envahi les couloirs. Oui, c'est assez drôle. Hein. Quand vous prenez le métro à Bruxelles ou à Londres, vous êtes habitué à voir des affiches de pub pour des parfums, des vêtements ou des spectacles. C'est devenu tellement banal qu'on ne les regarde même plus. Et ça, ça a donné l'idée à un collectif de créatifs de mener une action choc dans le métro de Londres. Ce collectif a choisi de s'offrir tous les espaces pubs d'une seule station, celle de Clapham Common, au sud de Londres, et donc d'habiller 68 panneaux avec d'immenses photos de chats faites pour l'occasion. Alors, imaginez un peu la situation, quand vous sortez de la rame de métro, quand vous marchez dans les couloirs, vous avez d'immenses photos de chats partout qui vous regardent, et donc fatalement, ça vous interpelle. Oui, mais justement, quel est le but de cette action ? Alors, le collectif qui a lancé cette action s'appelle Citizen Advertising Takeover Service. Si vous prenez les quatre premières lettres, ça fait... Cats, donc chat en anglais, mais ça veut dire aussi un service de prise de contrôle publicitaire par les citoyens. Et donc, l'idée est justement de sensibiliser le monde publicitaire, les annonceurs et aussi le grand public à l'importance du message publicitaire, à l'importance de la créativité pour, je cite, « nous ouvrir sur de nouvelles façons de voir le monde ». Fin de citation. Et donc, pour donner vie à ce message, ce collectif de créatifs a carrément lancé une opération de crowdfunding sur le site de Kickstarter, ce qu'on appelle donc du financement participatif. Les internautes ont donc financé l'opération et s'ils mettaient 100 livres sterling, ils pouvaient avoir un poster de leur propre chat dans le métro. Bref, le collectif Cats a réuni près de 27 000 euros et a pu concevoir, réaliser et déployer cette campagne dans le métro de Londres en achetant pour deux semaines tous les espaces pubs de cette station. Donc si on comprend bien, ce n'est pas une opération anti-pub et ça c'est quand même plutôt original. Voilà, c'est pas une opération anti-pub, j'utiliserais plutôt l'expression de l'auto-piratage publicitaire puisque, effectivement, le déploiement massif de chats sans logo ni message autre que le nom du collectif Cats émane de créatifs eux-mêmes qui veulent donner un nouveau souffle au message publicitaire. En clair, ce ne sont pas des anti-pubs, mais donc des pro-pubs intelligentes qui souhaitent que les marques prennent conscience du pouvoir qu'elles exercent et qu'elles l'utilisent donc pour encourager des valeurs positives dans leur message. Et je dirais que ça a fond dans l'air du temps car l'industrie publicitaire se remet en cause. Il y a quelques mois, le vice-président de l'IAB, hein, qui est une organisation qui regroupe les acteurs de la publicité digitale, a d'ailleurs déclaré, je cite, « Nous avons merdé, on a saoulé l'internaute avec trop de publicité, des pubs trop présentes, des pubs inappropriées, des pubs trop invasives. Bref, la pub a scié peu à peu la branche sur laquelle elle est assise et il est temps de réagir. » Et ça explique le succès des fameux ad-blockers, hein, les bloqueurs de pubs, même si aujourd'hui, il y a quand même là une petite entourloupe de la part de la société qui produit ce genre de logiciel. Oui, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, dans le monde, hein, il y a 400 millions de personnes qui utilisent des ad-blockers sur leur smartphone. Et c'est dû en partie, évidemment, à la mauvaise qualité ou au côté intrusif du message publicitaire. Mais là, effectivement, je voudrais faire une petite parenthèse parce que certains de ces bloqueurs de pubs sont quand même de sacrés bandits. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais cette semaine, Adblock Plus, qui est le plus célèbre des adblockers, a lancé une espèce de place de marché. Donc concrètement, les annonceurs qui passeront par cette plateforme, en payant bien sûr, pourront voir leur propre publicité remplacer les annonces qui ont été bloquées par Adblock Plus. C'est un comble. Donc en clair, c'est du racket organisé. Hein. Et donc on peut même dire du gros foutage de gueule. Hein. Adblock Plus fait semblant de bloqués et au final, ils font payer les annonceurs en se moquant de l'internaute. Donc, fin de parenthèse. Tout ça pour mais vous ça dire... rapporte. Oui, voilà, évidemment, ça leur rapporte beaucoup alors d'argent. C'est bien. Hein. Mais tout ça pour vous dire, Alain, qu'en conclusion, que le monde de la pub est en pleine réflexion et qu'il va être de plus en plus attentif, je pense, à des messages davantage pertinents, plus ciblés aussi, et c'est d'ailleurs palpable, puisque je vous ai parlé il n'y a pas plus tard que deux semaines ici même, de l'émergence de la publicité ciblée à la télévision. On va, je l'espère, vers un mieux, et pas seulement avec des petits chats partout. Eh bien, on continuera à suivre ça chaque semaine, grâce à vous. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Les décodeurs RTBF sur la première. Un sondage dans 26 pays organisé par le Reuters Institute, c'est un institut très réputé qui analyse l'évolution du journalisme, démontre que 51% des gens s'informent par les réseaux sociaux, dont 44% par Facebook. Et 12% des gens ont fait des réseaux sociaux eh bien, leur première source d'information. Mais comme ces réseaux nous connaissent, ils nous livrent une information personnalisé, axé sur nos centres d'intérêt. D'où cet avertissement lancé par des chercheurs, notre champ d'observation du monde se réduit dangereusement. Alors, les réseaux sociaux nuisent-ils à notre ouverture d'esprit ? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités, Florence Lecam, chargée de cours en information et en communication à l'ULB. Vous êtes au téléphone avec nous, bonjour. Bonjour. Fabrice Grosfilet, chef du service société au JT de la RTBF. Bonjour. Oui, bonjour. Pas qu'au JT, en radio ah, et oui, web oui, aussi. Pardon, oui, oui, oulala. Esprit 360, Alain. J'ai restreint le champ, en tout cas, de vos activités. Et Nicolas Becquet, manager des contenus numériques de l'Écho. J'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci. Non, ça va, très bien, je prends. Mais justement, avant d'aborder le sujet de fond et comme exemple de cette évolution de l'info vers les réseaux sociaux, avec vous, Nicolas, un mot de Snapchat. Snapchat Discover, c'est une initiative de journaux français qui cherche à toucher le public jeune via l'appli Snapchat. Oui, Snapchat, en fait, c'est à la fois un réseau social et une messagerie. Et la particularité de cette messagerie, finalement, c'est que quand on poste un message, il se détruit une fois qu'il a été consulté. Mmh. Et ça, pour la jeunesse qui passe son temps à publier des selfies, des vidéos, etc., c'est un grand avantage, puisque la génération Facebook, donc déjà il y a 10 ans, a publié de nombreux contenus qui, aujourd'hui, reviennent comme des boomerangs. Mmh. Donc, des contenus pas toujours très assumable 10 ans après. Ouais. Et Snapchat fonctionne très bien chez les ados, mais aussi les jeunes adultes. Donc la tranche d'âge, c'est 15-34 ans. On peut aussi dire qu'il y a 150 millions d'utilisateurs à travers le monde, ce qui en fait vraiment un réseau très très important. En France, 1 million, et 8 millions, pardon, et en Belgique, 800 000. Et cette tranche d'âge, 15-34 ans, c'est justement la population que les médias ont des difficultés à toucher. Oui, c'est la cible, c'est l'enjeu, à la fois un enjeu de renouvellement des audiences, et c'est un enjeu aussi démocratique, puisque comment on informe les jeunes ? Mmh. On dit qu'ils ne s'informent plus, c'est faux, ils s'informent ailleurs, et dans des nouveaux formats. Or, Snapchat a ouvert ses chaînes, qu'on appelle donc Discover, chaque média peut avoir sa chaîne en diffusant une édition quotidienne avec de la vidéo, des images, des textes, mais avec une mise en forme qui est vraiment nouvelle, c'est-à-dire c'est très coloré, très dynamique, des contenus courts et punchy. Donc c'est plutôt bon signe qu'il y ait cette évolution. Oui, c'est vraiment bon signe que des médias disent « Ok, on y va et on accepte de parler jeunes ». Mais pas seulement de parler jeunes, mais d'aller vers eux dans leur code, puisqu'il y a une désaffection, en tout cas, il y a un lien qui ne se fait pas. Par contre, ce qui est difficile, c'est que on ne sait pas si les jeunes vont vraiment accrocher. Parce qu'ils viennent sur leur messagerie pour envoyer des selfies, faire des petits dessins sur des photos. Est-ce qu'ils vont venir pour s'informer et consulter finalement ces contenus journalistiques de médias ? Ça, ce n'est pas encore sûr. Et aux États-Unis, ça fonctionne, mais pas encore si bien. Donc vous pensez que c'est un pari un peu risqué ? C'est un pari risqué qu'il faut prendre, mais pour prendre un exemple, le journal Le Monde, qui a réussi à décrocher justement une chaîne au sein de Discover, a dû produire 330 contenus de test, donc soit 10 éditions quotidiennes pendant pratiquement un mois, pour que Snapchat dise « Ok, vous faites des bons contenus, je vous accepte dans mon giron ». On voit bien le rapport de force, là. Il y a un rapport de force qui est incroyable, puisque tous ces contenus qui sont des contenus, par exemple, vidéo, verticaux, avec beaucoup de couleurs, ça demande des compétences que beaucoup de médias n'ont pas aujourd'hui. Mmh. Et là, par exemple, pour Le Monde, c'est 7 personnes au quotidien pour produire une édition. Pour un bassin d'audience qui est de 8 millions de personnes, voilà, on va voir comment ça fonctionne, mais c'est bien de tester en tout cas. On suivra cette initiative. Florence Lecam, d'un mot, ça vous inspire? Vous pensez que ça va dans le bon sens? C'est intéressant parce que ce que l'on voit, c'est qu'ils mettent en place une rédaction un petit peu dédiée et qui va parler à la niche jeune. Donc, si on arrive à faire du journalisme avec du journaliste, avec des journalistes à destination des jeunes, c'est une niche vraiment super intéressante. Oui. Mmh. Fabrice Grosfilet. Oui, c'est toute la difficulté des réseaux sociaux, et ça va sans doute nous amener au débat que vous avez prévu ensuite, Alain. Mais oui, c'est comment, des transitions pour moi. comment on met de l'information dans un média, parce que c'est un média, qui est initialement prévu pour partager des émotions ou des moments de vie personnels. Alors on voit bien que les médias essayent de rentrer dans ce canal-là, mais qu'ils ont aussi les pires difficultés pour y arriver. On essaye d'articuler de la vidéo, qui est le produit d'appel, avec du produit texte ensuite, parce que c'est ce qu'on sait faire, mais on n'y arrive pas vraiment toujours. Mais les médias ont toujours essayé d'accompagner la vie des gens, la radio rythme leur existence, la télé oui, mais démontre on, mais on dominait, moment. On possédait, on dominait nos canaux d'information. Et aujourd'hui, on doit se plier à des canaux d'information qui nous échappent. Nicolas. Bah exactement, ce que dit Fabrice est vrai, c'est-à-dire que finalement c'est historique ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avant les médias publiaient du contenu dans un JT, dans un journal, on attendait que l'audience vienne à nous, vienne au kiosque, vienne où allume leur poste. Aujourd'hui, les médias ont compris qu'il fallait aller là où est l'audience. Or, les jeunes sont dans une messagerie, c'est pour ça que je disais que c'est à la fois une messagerie et un réseau social, et ils acceptent de prendre toutes les contraintes liées à ces formats et à ce qu'on nous propose. Et ça, c'est vraiment, je pense, une révolution. Je trouve que ça va dans le bon sens. Après, il y a une question de dépendance, puisqu'on doit vraiment tout faire comme la messagerie ou le réseau social nous l'impose. Florence Lecam, il y a des journalistes en studio. Vous les observez, vous n'en êtes pas. Ça vous donne un point de vue. Est-ce que les journalistes ont des difficultés à accepter que maintenant, c'est à eux d'aller vers le public? C'est intéressant, moi je mesurerais les propos qui viennent d'être dits parce que je considère pas que ce soit une révolution que les médias d'un coup se disent « Ah ben dites donc, il faudrait que j'aille chercher mon public si on remonte à la fin du 19e siècle ». C'est exactement ce qui se passe à la fin du 19e siècle avec le développement de notamment de la photographie ou le fait que les médias d'un coup se disent… Comme il y a beaucoup de gens qui ont envie de lire de plus en plus, il y a une alphabétisation, une urbanisation, et bien on va mettre en place des faits divers, on va diffuser des courts reportages, et donc dès cette époque, en fait, le média, le journal de presse écrite, il s'intéresse à son public, il va aller le chercher. C'est comme ça que la DH, par exemple, au début du XXe siècle, va faire en sorte de créer le premier concours de Miss Belgique, va aussi copier un peu l'équipe pour faire le tour de la Belgique en cyclo. Mmh. Et donc, on a déjà tout un marketing éditorial qui s'est déjà mis en place à la fin du XIXe siècle. Et puis marketing éditorial, il se poursuit aujourd'hui. Et puis, les crieurs en rue, ils allaient quand même vers le public pour vendre le journal. Maintenant, il y a autre chose, il y a évidemment d'une part le fait d'aller vers le public, mais il y a aussi, et c'est le centre du débat ici, ce qu'on donne au public comme information. Et là, on le sait, de plus en plus, via les réseaux sociaux, l'information est personnalisée en fonction des intérêts des gens. Et donc, ça veut dire, pour parler simplement, que des pans entiers de l'actu sont éliminés si ça n'entre pas dans le champ de vos intérêts. C'est bien ça, Nicolas Becquet? Oui, comme on personnalise beaucoup, si vous avez déjà une opinion de base, elle risque d'être confirmée, puisque vous allez faire des recherches dans un sens. On prend toujours les climato-sceptiques. Si je fais une dizaine de recherches climato-sceptiques, c'est-à-dire où on remet en cause vraiment le réchauffement climatique, etc., eh ben, il y a de bonnes chances pour que l'algorithme, c'est-à-dire la recette de cuisine personnalisée de Google, la prochaine fois que je me connecterai, et si je tape température, météo, me donne des contenus qui soit climato-sceptique. Et ça, c'est vraiment important. Et la personnalisation est énorme. Il y a 57 critères qui sont pris en compte à chaque fois que vous tapez un mot dans le moteur de recherche de Google. Et ça ne vous plaît pas, hein, Fabrice? Oui, et c'est vrai pour Google, on vient de le dire, mais c'est vrai pour Facebook, et c'est vrai pour tous les réseaux sociaux, même pour Snapchat dont on a parlé tout à l'heure. Pour Facebook, c'est dramatique parce qu'on sait bien que pour notamment toute une partie de la population, c'est devenu un moyen d'information. Bah non, effectivement, ça ne me plaît pas parce que c'est ce que les chercheurs appellent la bulle cognitive. Mm-hmm. Donc je ne vais recevoir, je ne vais être exposé qu'à des contenus qui sont semblables à ce que j'ai déjà consulté ou avec les contenus avec lesquels j'ai interagi. Donc c'est les fameux likes ou les fameux partages. Ouais. Et donc ça veut dire que je vais reproduire à l'infini une pensée qui correspond à ce que j'aime. Et donc je ne suis plus exposé à des arguments contraires. Mais alors Florence Le Cam, vous qui avez cette perspective historique, hein, c'est pour ça qu'on vous a invité, est-ce que c'est très différent de la situation qu'on connaissait auparavant lorsqu'on achetait un journal qui était proche du parti politique pour lequel on votait par exemple? Le gars qui lisait L'Humanité, qui votait communiste, est-ce qu'il avait dans ce qu'il lisait des grandes défenses du capitalisme et du libéralisme? Effectivement, c'est le point, c'est-à-dire que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a une sorte d'accélération de ce qu'on a appelé ce biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est ce que disait Nicolas Becquet, c'est en fait, on va privilégier les informations ou les points de vue qui vont confirmer mes idées ou mes impressions. Et déjà, dans les journaux, à la télévision ou en radio, on allait, en tant que lecteur, auditeur, téléspectateur, vers des médias ou vers des identités éditoriales, des lignes éditoriales qui confirment nos impressions, nos idées ou nos valeurs. Et puis, ça se conjugue, à mon avis, sur Internet, mais aussi en dehors d'Internet, à ce qui a été appelé la spirale du silence. C'est-à-dire que les gens, ils ont tendance à exprimer leur point de vue s'ils pensent qu'il n'est pas si différent que ça de leur entourage. Et c'est ça aussi qui crée ces bulles et ces chambres d'écho idéologiques qui sont en fait le résultat de biais de confirmation. Je vais rechercher ce que je pense être mes convictions et en accord avec mes convictions. Et en plus, si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas le dire. Et c'est ça la spirale du silence aussi. Donc ça pose de vrais problèmes sur le débat public. Mais l'autre chose, c'est que c'est intéressant que ce débat émerge vraiment très fortement en ce moment. C'est comme si on se rendait compte que les réseaux sociaux ne tenaient pas leur promesse utopique d'alimenter le débat public. Et c'est oublier que derrière les réseaux sociaux, il y a des entreprises commerciales qui n'ont pas pour objectif d'alimenter le débat public. Ils ont pour objectif de faire de l'argent à partir des traces numériques que nous-mêmes, nous laissons sur la toile. Mais Fabrice Grosfilet, en quoi les algorithmes qui sont basés sur nos centres d'intérêt seraient-ils plus pernicieux que l'info qui est sélectionnée par des journalistes? Nous le faisons, nous savons que nous sommes influencés. On parle toujours de l'influence politique, mais il y a aussi l'âge, il y a le milieu dont on vient, il y a notre culture, nos intérêts. On sait bien qu'il y a des biais là aussi. Oui, alors il suffit de faire le test, vous pouvez faire le test vous-même, vous créez deux profils Facebook avec des âges ou un sexe différent, vous aurez pas les mêmes informations. Vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous likez un certain nombre de contenus d'un côté, vous likez un certain nombre de contenus de l'autre, et vous verrez que vous ne serez pas du tout exposé à la même chose. Oui, mais si vous lisez Le Figaro, L'Humanité... Mais justement, je voudrais nuancer ça, Alain. Ça, c'est vrai pour l'immédiate après-guerre, quand on a une presse d'opinion forte et qui a une audience réelle. Ce qui s'est passé depuis l'après-guerre, d'abord, c'est que l'identité idéologique des journaux, c'est quand même relativement estompée, et que maintenant, on arrive à des contenus qui sont relativement similaires. Et les journaux les plus engagés, ils ont plutôt disparu. Deuxième chose, dans cette période-là, on a la radio, on a la télévision. Et vous connaissez le schéma, la radio informe, la télévision montre et la presse, presse commente. Et, mais, il a tenu longtemps, ce schéma. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord pour la radio, ensuite pour la télévision, on a eu des monopoles, et puis après on a évolué plutôt vers des duopoles. C'est aussi complètement dépassé, mais à ce moment-là, le journal télévisé, pour prendre cet exemple-là, avec tous les défauts qu'il avait, c'était l'outil de référence pour une très grande majorité. C'était la vérité ? Non, mais c'était l'information qui était connue et partagée par tous, sur laquelle on pouvait fonder un débat public. Cet élément-là, il a disparu. On n'a plus une information connue de tous qui permet aujourd'hui d'avoir un débat. Nicolas Becquet, journal télévisé sélectionne quand même les infos aussi. Bien sûr, mais avec toutes ses imperfections, mais un outil de référence. Nicolas. Oui, mais ils sont contestés, justement. Il y a un problème avec, justement, la parole journalistique. Mais je voudrais aller un peu plus loin, parce que j'ai un rédacteur en chef à côté de moi. Moi, j'ai l'impression que Facebook devient rédacteur en chef mondial de l'information. Pourquoi? Je vais prendre plusieurs exemples. Pendant l'été, parce qu'il reste 4 minutes, mais voilà. D'accord. Pendant l'été, Facebook a décidé que les posts de vos amis et de votre famille étaient plus importants que les posts des des médias. Okay, mm-hmm. La visibilité des médias, hop, elle passe à la trappe et beaucoup moins de trafic et beaucoup moins de visibilité. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé que certains titres, à juste titre, mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais n'étaient pas bons, on ne pouvait pas poser des questions, etc. Toutes les questions interrogatives, maintenant, perdent en visibilité si on les utilise. Dernière chose, il y a eu un scandale quand même, et je rebondis sur ce que disait Florence Lecam tout à l'heure. C'est une entreprise qui veut faire de l'argent, c'est un modèle publicitaire énorme. Comme la plupart des journaux, non ? Oui, effectivement. Mais le modèle de base, il n'y a pas d'abonnement sur Facebook. Mmh. Et là, il y a eu quand même quelque chose qui était très important, c'est que Facebook a dit, on va faire un test un peu comme ça, secrètement. Ouais. On va pousser que des informations positives. Pourquoi ? Parce que si on pousse que des informations positives, les gens se sentiront plus heureux et du coup, ils achèteront plus et donc ils cliqueront plus sur nos bannières. Ça, c'est très grave quand même. Et oui, pas comme tous les journaux, Alain, parce que Facebook, le but, c'est de nous faire réagir sur de l'émotion et c'est pas de produire de l'information, c'est très différent. Mais on sait très bien aussi que les annonceurs voudraient que les journaux ne diffusent que des bonnes nouvelles parce que comme ça, les gens seraient plus réceptifs aux publicités qui suivent. Facebook le fait. Produire de l'information, c'est pas réagir à des émotions, alors, c'est pas la même chose. Florence Lecam, une réaction sur Twitter de Mateusz qui dit « Grâce au web, non seulement je lis des articles venus du monde entier comme on peut le faire avec le courrier international, mais de manière plus large encore, donc je m'enrichis. » Est-ce que finalement, l'essentiel, ce n'est pas le lecteur, l'internaute qui doit s'éduquer ou être éduqué, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer là-dessus, à ces temps nouveaux qu'on ne changera pas ? Évidemment, enfin, vous parlez à une professeure d'université, donc évidemment il faut éduquer, évidemment il faudrait que chaque personne puisse non seulement s'informer via le web, mais aussi à plein d'autres sources. Le cœur du débat, c'est finalement est-ce que Internet va polariser ou polarise ou élargit-il le débat public ? Et on va dire que bon, sur les réseaux sociaux, on a un biais de confirmation, et puis en même temps, cet internaute va dire ah ben non, moi je peux justement accéder à des échanges à l'échelle mondiale, accéder à des supports et à de l'information auxquels je n'aurais jamais eu accès auparavant. Et c'est là le cœur du débat, et c'est là l'espèce de controverse. Ce que je vois par contre, c'est dans les propos qui ont été échangés aussi tout de suite, c'est il faut aussi s'interroger, et ça interroge totalement la place des médias traditionnels. Que font-ils pour rendre l'information pertinente dans le débat public ? Et ça évoque parfois aussi une espèce d'impuissance du média traditionnel à aller justement chercher son public, mais autrement que sous le biais de sous le biais du divertissement ou autre chose. Et par exemple, le média pourrait être celui qui fait la cartographie des controverses, c'est-à-dire mettre en place et montrer le pour, le contre dans les différents débats, et ce qui permettrait de dépasser cette idée de biais de confirmation que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, cette polarisation. Oui. Et voilà, ça réinterroge à mon avis. Oui, Nicolas Becquet, désolé Florence. Non mais pour revenir à ce que disait l'internaute là, que vous citiez, il faut cultiver son jardin sur le web comme dans la vie réelle, et donc si on est ouvert, on restera ouvert sur les réseaux sociaux. La dernière chose que je voulais dire, c'est nous, en temps, on parle beaucoup des journalistes et de notre position. À l'AJP, il y a deux semaines, j'ai eu la chance de donner une formation. L'association des journalistes. Voilà, une formation aux journalistes pour qu'ils puissent justement pas être victimes de ces biais de confirmation et qu'ils puissent utiliser les navigateurs Google sans être pris dans cette spirale et justement avoir un accès limité. Et donc, il y a une formation nécessaire au sein des journalistes. Fabrice, vous qui donc vous occupez de radio et de télé, on doit changer. Oui, important à comprendre, une parole raciste, des propos homophobes, un mensonge sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, ça a autant de valeur qu'une information vérifiée, parce qu'il n'y a pas d'hiérarchisation. On en parlait tout à l'heure. Et le pire, c'est que plus ça fait réagir, plus c'est partagé, plus c'est connu au plus grand nombre. Oui, mais ce qu'il faut faire, c'est juste rappeler qu'un réseau social, ce n'est pas un moyen d'information neutre, et que effectivement, cette bulle connective qui est mise en place par les algorithmes, elle est extrêmement dangereuse. Nicolas, est-ce qu'on pourra aller dans le sens de Fabrice, revenir en arrière ? C'est pas revenir en arrière, c'est qu'il faut être là, sur les bonnes plateformes, au bon moment, et puis réaffirmer la parole journalistique, c'est-à-dire entre la différence entre Facebook, qui est une société commerciale qui vit de la publicité, et puis des journalistes qui ont une déontologie, qui ont un métier qui est d'informer, et d'informer le plus objectivement, en tout cas le plus honnêtement possible. Ou alors on va demander à Facebook de publier le fameux code EdgeRank, donc son algorithme, et qu'on sache enfin comment ça marche. Eh bien, Florence Lecam, Nicolas Becquet, Fabrice Goufilet, merci de vous avoir donné votre avis. Et à propos d'avis, n'oubliez pas ceci. Les décodeurs RTBF sur la première. Et puis ce sera une bonne habitude à prendre, dès 11h30 à la télé, sur la Une, on retrouve Sacha Daout. Bonjour Sacha. Bonjour Alain. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui sur notre petit écran? Alors on va voir une émission politique, c'est certain, avec un recentrage autour du débat politique. C'est ce qu'on veut et c'est parce qu'on maintient qu'il existe encore un public pour ça. C'est une certitude. Mais on ne s'exclut pas les débats de société. Et on va commencer par l'émission d'aujourd'hui avec un coup d'œil sur le procès Westphal, pas tant pour le procès en lui-même, mais pour s'intéresser aux dérives médiatiques que ce procès a pu provoquer. On a pas mal de témoignages qui nous font quand même dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à se poser et peut-être pas mal de choses à changer dans le traitement de ce genre d'affaires dont le jugement se fait aujourd'hui finalement peut-être plus et avant tout dans les médias que dans un prétoire. Mais en même temps, dans cette émission, vous allez faire appel au public aussi. Oui, évidemment, et ça c'est une des nouveautés. Alors c'est très difficile de faire venir du public et de le faire intervenir sur tous les sujets. Alors on a trouvé des moyens modernes et heureusement qu'Internet a pas mal évolué. On a une application qui permet aujourd'hui au public de répondre aux questions qui sont posées sur le plateau et donc de faire évoluer l'avis finalement de ce public au fur et à mesure de l'émission qui peut se prononcer avant. Alors attention, hein, un vote par personne et par sujet, c'est important, mais on va peut-être voir que ce qui était pensé avant n'est peut-être plus ce qui est pensé après le discours des personnalités qui vont venir sur notre plateau. Donc c'est une application qui s'appelle Match Talks et attention, elle permet aussi de poser des questions en temps réel pendant le débat. On va être très attentif parce que c'est une application à laquelle on tient, qui classe les questions par ordre de pertinence estimé par les membres de la communauté. Ok, on comprendra sans doute ça mieux au fur et à mesure des semaines. Oui, et puis on va relayer tout ça aussi sur nos pages. Et puis vous serez entouré de chroniqueurs et chroniqueuses. Oui, alors on a pris trois chroniqueurs. Un visage un peu connu des téléspectateurs, c'est celui de Catherine Hernens. Oui, que vous nous avez piqué d'ailleurs, parce qu'elle venait régulièrement chez nous aussi. On espère qu'elle reviendra de temps en temps. Oui, les transferts, les prêts, les locations sont tout à fait possibles. Et puis alors il y a deux visages un peu plus neufs. Rudy Hermans, qui est un jeune journaliste de la rédaction politique de la RTBF, spécialiste en politique wallonne, les auditeurs de La Première et de Vivacité le connaissent bien. Et puis il y a Alice Dive, une jeune journaliste indépendante qui viendra avec son regard un peu différent forcément sur l'actualité politique, différent mais aiguisé, c'est certain. Eh bien, bonne chance Sacha, bonne chance à vous et à l'équipe. Et on vous retrouve donc à 11h30 sur La Une et puis en permanence aussi après sur RTBF. Un grand merci. Merci d'avoir suivi les décodeurs. Vous nous retrouverez en diffusion à 21h et évidemment en permanence sur RTBF Ovio. C'est Jonathan Remy qui réalise cette émission. Merci à lui et à tous ceux qui nous ont aidés à la préparer. Très bon dimanche à tous. À la semaine prochaine. La Première. Ce message s'adresse à vous qui venez de percevoir votre assurance groupe ou de remettre votre entreprise. Pour vous, les conseillers CBC proposent des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent. Ils se montrent proactifs et ils sont à votre écoute à tout moment, plus que jamais dans ce contexte aussi changeant. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Mais enfin, chérie! Qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Je viens de dire que là, les poissons clowns, ça va une heure, mais une semaine, là, je peux plus, j'en ai plein les palmes, rate tout ballon. Toi, tu restes si tu veux, mais moi, je vais chez Ford. Mais chérie! Non, je vais chez Ford! Eh oui, résistez à l'appel du tout nouveau et très charismatique Ford Edge, le plus grand SUV de la gamme. Aux Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. La Première vous invite à l'avant-première de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Soyez le bienvenu. Plongez dans l'univers fantastique de Tim Burton. Il nous traque depuis des siècles à cause de nos pouvoirs. Pour y assister le 27 septembre à Liège ou à Braine-l'Alleud, 0905 56 475 50 cents par appel. En télé sur La Une. À votre avis, c'est la nouvelle émission politique du dimanche. Il y aura des débats, des interviews, mais aussi et surtout la possibilité pour vous d'intervenir en temps réel et en direct en donnant votre avis ou en posant vos questions à nos invités. Retrouvez Sacha Daout tous les dimanches à 11h30 sur La Une. La Première. Il est 11h. C'est Pierre-Yves Meugens que l'on retrouve pour les infos. Bonjour. Ah, bonjour à tous. Les voitures ne sont pas les bienvenues aujourd'hui à Bruxelles depuis 9h30 et jusqu'à 19h. Le bitume est réservé exclusivement aux vélos, aux piétons et tout autre moyen de transport léger. Attention toutefois, en vous déplaçant, les bus-taxis circulent bien. Enfin, les bus et les taxis circulent bien. 12 000 dérogations ont aussi été octroyées. La journée est ponctuée d'activités liées à la mobilité. On pourra faire la fête dans un lieu insolite, habituellement réservé aux voitures, comme lors de la tunnel party l'an dernier sous la porte de Namur. Cette fois, c'est à la place Poulart. Et pour la 14e année, le Parc Royal et la place des Palais accueilleront par ailleurs l'événement Bruxelles Champêtre. Il met à l'honneur quelques 160 exposants de produits bio et locaux. 30 jeunes artistes auront également pour la première fois l'occasion d'y faire connaître leur musique. Un homme qui portait un uniforme de vigile a poignardé 8 personnes dans un centre commercial dans le Minnesota aux États-Unis aujourd'hui. Il a été abattu par un policier. L'agresseur aurait fait référence à Allah et demandé à au moins une personne si elle était musulmane, selon la police locale. Une police qui refuse de parler d'actes terroristes avant l'enquête. Aucun blessé n'est en danger de mort. La piste terroriste n'est pas privilégiée non plus à New York après l'explosion qui a fait 29 blessés, dont un grave hier dans la soirée. L'explosion aurait eu lieu dans une benne à ordures. Un peu plus tard, un autre objet suspect a été retrouvé quelques rues plus loin. Selon la chaîne américaine CNN, une cocotte minute reliée par des fils à un téléphone portable. Et puis, dans le New Jersey, un peu plus tôt, là, un autre engin a explosé dans une poubelle sans faire de blessés. Trois événements qui posent question, évidemment, de par leur proximité géographique et temporelle. Retour ému des premières familles irakiennes à Fallujah. La police et l'armée les ont accueillis avec des fleurs. La ville a été libérée des mains des terroristes du groupe État islamique en juin dernier. Fallujah était tombée en juin 2014, ce qui avait permis aux terroristes de s'emparer de vastes pans du territoire à l'ouest et au nord de Bagdad. De nombreux déplacés ont donc pu revenir chez eux. Voilà qui referme ce journal. Belle après-midi, belle fin de matinée, surtout avec nous. Toute l'info est sur rtbf.be. Bienvenue aux auditeurs fidèles et infidèles à la messe radiodiffusée pour laquelle nous retrouvons ce matin l'abbaye du Val-Dieu au cœur du pays de Herve dans le diocèse de Liège. La célébration s'inscrit dans le cadre d'une journée des familles organisée par les équipes Notre-Dame sur le thème « Les familles, semences d'espérance ». La Belgique compte 300 équipes Notre-Dame, chacune composée de 5 ou 6 couples et d'un prêtre cheminant ensemble et avec le Christ au rythme d'une rencontre par mois qui articule le partage d'un repas simple, des échanges fraternels sur la vie de couple et de famille et des temps de prière. Les équipes des environs ont donc